Salut tout le monde et bienvenue à l'épisode numéro 9 de Fun Regarder Film, le podcast. Et c'est aussi le quatrième épisode, déjà. Les derniers des 31 jours d'horreur. Ici Sébastien Bouchard au micro et j'espère que vous allez bien parce qu'on a une équipe en feu, en déguisement, en tout. Et pareil que j'ai peur. Il y en a un qui vient d'enlever ses lunettes puis il vient me montrer ses vrais yeux. Et là, je suis charmé parce que c'est Jean-François Tremblay déguisé en vampire. Salut Jean-François! Qu'est-ce que tu fais, Steven? C'est vraiment plus inquiétant. Quoi, l'autre qui gâche les momentum de tout le monde. Steven Lafrançois en belle licorne, man, zebra man. Mais... En zèbre licorne, t'es bien beau. Merci. Et celle qu'on renie parce qu'elle est en costume ostentatoire, quasiment. Vicky et son... Je sais pas comment ça s'appelle, celui-là. Là, juste le châle sur la tête. Là. Jamais non, c'est le costume de la controverse. Ouais, c'est ça. T'sais, imaginez la pochette de Jamais sans ma fille. C'est vrai, je pensais à ça. Mais moi, je pense qu'il n'y a pas une pochette de Star Wars où il y en a un qui a un truc plus brun que noir. Anakin? Sûrement. Anakin, épisode 3. Le 3, là. Voir que je sais c'est qui. Mais en tout cas, ça. Ben moi, là. Je suis Star Wars. Marc-Antoine Abonté sur le chat, il dit « Avouez, j'ai manqué le bout où ce que Vicky et Sébastien faisaient des lignes de poudre. » Hein, oui. Oui, c'est ça. Ce bout-là. On en refera en pause. Juste pour te manquer. T'as manqué JF qui a pas fait de lignes de poudre. Il s'est foutu à la face dedans. J'ai pas compris comment ça marche. J'ai de la poudre. C'est du make-up. Ah, mais non, ben, pour ceux qui écoutent le podcast, vous comprendrez que nous sommes live comme d'habitude sur Facebook et sur Twitch. Et nous sommes déguisés parce que c'est bientôt l'Halloween. Oh. Et comme c'est le dernier épisode des 31 jours d'heure, ben, on a pris le temps de se déguiser juste pour ceux qui nous regardent. Mais on a oublié de le dire, mais quand vous l'écoutez en podcast, le show, vous pouvez aussi aller le réécouter en rediffusion Facebook. Donc, vous pouvez aller voir la vidéo sur notre page Facebook et écouter la diffusion totale. C'est sûr que des fois, ça dure 3 heures et plus. C'est ça un problème? C'est pas de problème, c'est juste ma patch qui tombe tout le temps. C'est une patch pour arrêter de fumer, ça va pas dans l'œil, ça, Seb. Évidemment, je suis un pirate, alors j'ai une patch sur l'œil, mais j'avais décidé de pas mettre de la corde, fait qu'elle est collée en arrière de mes lunettes, mais c'est pas trop super. Hey, sur ça, les amis, est-ce que vous avez passé une belle semaine des 31 jours d'horreur? Oui. Ne parlez pas tout le temps en même temps, merci. On a eu un blanc. Compris par ça. Oh, une question! Qu'est-ce qu'il y a? Hein? Il a posé une question, le gars! Moi, j'ai l'impression c'est que quoi, cette bonne année, réponse? J'ai pas fourni cette année. Vraiment non? Pas. Je suis déçu, je n'ai pas vu autant que j'aurais voulu. Puis, t'as pas fait un film par jour? Presque, mais on peut pas dire que ça fitait dans l'horreur tout le temps. Ah, ben là. Non, ben c'est ça. Moi, j'ai réussi à compenser si c'était pas un film par un épisode de quelque chose qui était de l'horreur. Mais, oui, vas-y. Ben, j'en disais moi aussi, mais je trouvais que cette semaine-ci, y a rien qui m'intéressait. Il y avait aucun réalisateur qui m'intéressait quand j'avais le temps. En effet, t'as pas de suivi, de toute façon, non plus. Ils t'ont pas intéressé du mois. Non, j'en ai essayé comme. Mais en fait, je l'avais mis en référence. Fait que, mettons, une journée où j'avais rien, j'écoutais la première semaine beaucoup, mais comme on dirait qu'à chaque fois, je faisais « Ah non », puis lui d'avant, puis lui d'après non plus, cette semaine particulièrement, là, où j'avais vu comme les titres qui m'intéressaient de ce réalisateur-là. Il y a ça aussi. OK. Hey, là ce qui est plate, présentement, c'est que le site est down et je n'ai pas l'horaire sur mon poste. L'horaire, je l'ai juste sur le site. À moins que je trouve une place que je l'ai partagé à quelqu'un. Je pense que je l'ai déjà partagé en image dans notre groupe Messenger. Ah, oui, ça se peut. Je vais essayer d'aller la retrouver parce que sinon, j'ai pas l'horaire de la semaine. C'est vraiment... Quoi? C'est mon fond d'écran, mais de l'ordinateur à job, man. Juste pour que... Parce que comme je vous dis, je l'ai mifié quand j'avais rien à faire. Fait que ça a été mon fond d'écran tout le mois. Moi aussi, je l'ai pas. Je suis pas à job. Je voulais partager, je pense. Parle-moi ça, comment on est bien organisé pour ce dernier épisode, hein? Non, mais sérieux, c'est chiant. Le site qui est down depuis une journée, que je suis capable de trouver le temps pour l'arranger, là. J'ai comme reçu un coup. Après-midi, j'ai reçu trois courriels de mes trucs qui font comme des check-ups sur le site qui font hey, ton site est up ou ton site est down. Puis là, je fais comme, calvasse, ma boîte de courriel est pleine. Depuis minuit hier. Que ça va faire quasiment 24 heures que le site est down. Puis je l'ai su rien qu'après-midi. Mais là, avec des enfants, commencer à gosser là-dessus, c'est pas ça. C'est pas super. Ouais. Fait que, on va y aller. Ça va être la partie plate, là, mais on va être obligé d'y aller un peu random. Puis d'y aller avec ceux qu'on se souvient. Je m'en souviens de un. Vas-y, on va commencer par celui dont Steven se souvient. D'accord, on va y aller avec... Attends une minute, toi. Hey, mais non, je suis bien niaiseux, je les ai. Bon. Je suis bien niaiseux, j'ai pas l'horaire, mais j'ai les images de chacun un après l'autre. C'est ça, je le savais, c'est pour ça que je gossais. Là. Bon, puis là, j'essaie d'aller sur mon dossier, puis il répond pas. Hey, gang, ça va très bien. Ça va très, très, très bien. Jeff, parle-nous donc du Patreon pendant que je nous cherche ça. Et de toutes les façons de nous encourager. Je suis pas le plus connaisseur de cette histoire-là. Je sais même pas l'adresse, en fait. C'est sous notre site. Non, mais parle de tout ce qu'on, de toutes les façons de nous encourager. Il y a un... De façon de nous encourager, vous pouvez aller sur notre site qui est down, puis aller cliquer sur le petit lien Amazon, puis acheter vos affaires sur Amazon à partir de là, puis ça enlève de l'argent Amazon, puis ça nous en donne un petit peu, puis ça nous encourage. Il y a le Patreon qui peut donner tant par mois, genre 1$ par mois pour nous encourager, ou plus, là, mais je pense que c'est le minimum, pensez un. Puis vous avez accès à des bonus, des affaires... je sais pas, j'étais plus au courant dans le temps d'Horror Gamer. En fait, je m'excuse là, mais j'ai été moins impliqué dans le fun de regarder films jusqu'à date dans le background. Fait que, behind the scenes. Écoute, c'est correct. De toute façon, on a une âme généreuse sous le nom de Cynthia qui nous écoute. Sako aussi, il vient de nous nommer le jour 22. Ok, non, ben tu vois, Cynthia vient m'envoyer un screenshot qu'elle a probablement pris du calendrier. Ouais, du calendrier. Alors, donc c'est ça, ben les façons de nous encourager, c'est d'aller nous mettre un beau 5 étoiles sur iTunes. Ben, hey, oui. Ça nous fait un début d'épisode assez intense, là. Hein? nous mettre un 5 étoiles sur iTunes et nous mettre un petit commentaire en dessous. By the way, j'ai l'impression qu'il y en a qui se disent « Ouais, mais je les ai déjà mis, bon, 5 étoiles sur iTunes dans le temps. » Non, non, le 5 étoiles que vous aviez mis sur Horror Gamer ne fonctionne plus. C'est vraiment un autre podcast dans iTunes. Alors, vraiment, si vous voulez aller nous mettre un petit 5 étoiles pour nous encourager, il faut vraiment aller chercher Fun Regarder des films sur iTunes. Et c'est ça, là, je m'en vais le chercher moi-même là, pendant ce temps-là pour voir si on a reçu des petits commentaires et des 5 étoiles, parce que sinon je vais vous botter les fesses. Sinon, on a encore juste Seb du Best Podcast Ever qui nous a encouragé. Alors allez-y en grand nombre. Sinon, c'est ça, les t-shirts sur notre boutique, sur le site, vous pouvez aller voir. Parlez-en à vos amis, abonnez-vous, puis c'est ça. Mais écoutez, c'est la vie. Mais allez, sérieux, j'enlève cette patch-là, parce que honnêtement, toutes les fois qu'il faut que je regarde quelque chose, il faut que je me tourne vraiment complètement, j'ai l'impression d'être en tout cas. Ça va fucker ta vue. Fuck, sérieux. Meilleur là, moyen de te faire blurring. Surprendre par un fantôme. Ouais, t'enlèves la patch et pouf. Ouais. C'est ça, the eye. Ouais. Mais non, sérieux, Cynthia m'avait envoyé l'image, et aujourd'hui c'est Justin Benson et Aaron Scott Morehead. Yeah. Eh ben, on les connaît tous pour les excellents films Resolution, Spring, The Endless. Puis le segment dans VHS B-Roll. Que c'est celui-là, moi, que je voulais revisiter pour l'occasion, parce que je l'ai vu qu'une seule fois. Et c'était quel là, segment dans V-Roll? C'était le dernier, celui-là, avec les jeunes qui font du skate, puis ils se battent contre des zombies squelettes. Oui. Ça... Alors, est-ce que tu l'as revisité? Non. Ah. C'est plate, mais non. Je voulais le faire, mais je l'ai pas fait. Ben, écoute, bravo pour l'effort. L'intention qui compte. Alors, Steven, t'as-tu respecté les 31 jours d'horreur? Oui, j'avais l'intention d'écouter un film chaque soir. Ça compte. Non, mais que dire de ce duo de réalisateurs qui est là depuis quoi? Resolution, ça date de 2012, je pense. Ouais, je pense que t'as raison. C'est pas si vieux que ça. 2012, t'as raison. Ouais. Ça fait à peine 6 ans. Puis, bon, il y a encore de la misère à avoir un... Ben, je dis pas qu'ils ont de la misère à avoir une cadence de production de films qui est normale. C'est juste que c'est le financement, je pense, qui leur manque. Puis, ils sont déjà en train de tourner. Ouais, c'est ça. Oui, c'est ça. Là. Ils sont en train de tourner. J'ai hâte de savoir ce qui va se passer. Spring est rendu sur Shudder, que Marc-Antoine dit. Ben, je pense que là, il y a juste Resolution qu'on peut pas trouver en ligne, je crois. Je pense que peut-être, non. Peut-être en j'ai vidéo sur demande, mais... sinon, c'est ça, vous allez avoir de la difficulté. Il a été longtemps sur Netflix, il me semble. Ouais. C'est ça, il l'est plus. Oui, c'est là que je l'ai vu pour la première fois. Moi aussi. Ah ouais, OK. Moi aussi. Fait que les droits doivent être expirés, droits de streaming, des trucs comme ça. Puis ça doit être... Je sais pas qui peut les avoir, là. Qui va le... Je sais pas. Mais Endless est sur Netflix en ce moment. Ouais. Endless est sur Netflix. Mais quoi dire de ce duo de réalisateurs, sinon? Ça vaut la peine. C'est pas nécessaire absolument, mais ça vaut la peine d'y voir dans l'ordre. Mais c'est pas une obligation. Ouais. Mais c'est très, très fortement recommandé. Mmh. Ouais. Surtout de voir Resolution avant de voir The Endless. Spring, c'est moins grave, mais... Ouais, il y a vraiment de quoi en les écouter en ordre. C'est pas une trilogie, mais presque. C'est parce qu'ils ont, ils ont des thématiques qui se ressemblent dans les trois films. Et ils ont... je pense que c'est dans leur écriture qu'il y a vraiment quelque chose d'incroyable. Dans le premier, surtout, ils montraient qu'ils étaient capables de faire de quoi de soutenu avec deux gars dans un chalet. Là, oui. Qui recevaient des... ils recevaient-tu des tapes? Je me souviens plus qu'est-ce qu'ils recevaient. Ah, c'est vague, moi aussi. Là. Mais dans le fond, ils recevaient comme des vidéocassettes ou en tout cas des images d'eux autres même. Non, ben, en fait, c'est genre son chum qui allait rejoindre son ami qui envoyait un message d'aide, tout ça, parce qu'il est comme un alcoolique ou un drogué assez intense, puis rendu sur les lieux, il l'enchaîne, puis il va vouloir l'aider à devenir sobre. Et il va, au fur et à mesure que les jours vont avancer, il y a des événements, puis des choses étranges qui vont arriver, puis l'un de ses amis va trouver dans une caverne des cassettes avec un genre de projecteur, puis c'est là qu'il va voir des trucs étranges qui vont inclure eux sur des vidéos, là. Mm-hmm. Et c'est ça, Spring, c'est un gars qui voyage en Italie, je crois. Oui. Ouais, et qui va rencontrer une fille, il va avoir un kick dessus. Il va s'avérer que cette fille-là, elle a un petit truc spécial, tout petit. Ouais. Puis si vous aimez, genre, la trilogie avec Ethan Hawke puis Julie. Ouais, c'est quoi son nom? Julie Dench. God, hey, la trilogie Dench, J'aime ta grand-mère. Une adaptation de l'album des trois accords. Non. On fait trois films avec Ethan Hawke puis Judy Dench, mais c'est juste quand il la rencontre après dans d'autres. Oh, non, pas encore la vieille. Justement, mais s'ils font un film dans 9 ans pour le quatrième, elle va être morte. Je dis ça, là, mais. C'est pas gentil. Non, pas la vieille fatigante qui est après moi. À toutes les fois, je m'en vais quelque part pour poigner. Elle est là, puis elle me suit pendant une minute au complet. Mais. Ouais, si vous aimez les Before Sunrise, Before Sunset, Before Midnight, le Spring ressemble beaucoup à un film de cette trilogie-là. Il ressemble beaucoup, mettons, à Before Sunrise. Puis c'est tellement... C'est niaiseux, là, mais moi, je tombe en amour avec le film, avec les acteurs, puis le scénario, puis la réalisation, puis tout. Mais la ville, le petit village italien, j'étais comme « Oh my God! » Puis tu disais que leur force, c'est l'écriture, mais la réalisation aussi, on en a parlé pour The Endless il y a quelques mois de ça, puis on disait, je disais que moi, ça m'étonne à chaque fois comment est-ce qu'ils peuvent filmer un champ avec de l'herbe qui bouge dans le vent, puis je suis nerveux ou je suis fasciné ou je suis intrigué par ce plan-là, tu sais, de rien qui se passe, mais c'est juste... C'était surtout fort, dans The Endless, c'est ça que comme tu dis... Cette réalisation-là, c'est vraiment peaufiné beaucoup, beaucoup, beaucoup, beaucoup dans The Endless. Je trouve qu'ils le font quand même dans Spring. Tu as des images de drones qui se promènent filmé avec un drone qui se promène à travers le village et tout. Puis ils filment un peu. Tu sais, ils settent un mood, ils settent une ambiance. Puis ça fonctionne à fond. Leur mouvement de caméra, leur façon de filmer est originale. C'est vraiment leur façon à eux. Tu sais, on disait. Puis... Oui. On disait dans d'autres épisodes qu'il y a des réalisateurs très très connus comme Wes Craven, qu'on n'arrive pas à trouver nécessairement son, sa patte ou quelque chose dans des films, mais eux autres, je l'avoue, tu sais, je pense que au fil du temps, au fil des films, on la voit leur signature, tu sais. Puis ils réussissent à créer des personnages qui sont attachants, et même autant dans les personnages secondaires, ils réussissent à créer des personnages qui sont reconnaissables puis qui sont mémorables. Oui. Qu'on verra pas beaucoup, mais qu'on va se rappeler de ces personnages-là. Puis c'est des excellents directeurs d'acteurs. Qui dirigent bien les acteurs. Puis je me suis rendu compte en voyant The Endless qu'ils les mettent tous les deux en vedette, que c'est parce qu'ils sont bons acteurs. Ils sont bons acteurs tous les deux. Fait que je pense que... Sur The Endless, il y a un making-of. Okay. Et c'est quelque chose que je pense qui se fait plus beaucoup dans le cinéma aujourd'hui. Mais peut-être qu'eux autres, c'est une façon de sauver beaucoup d'argent quand c'est le temps de tourner. Mais ils font beaucoup de répétitions. Mm-hmm. Ils font beaucoup, beaucoup de répétitions juste avec le texte dans un salon. T'sais. Ils vont sur le texte. Puis ce qu'il disait dans le documentaire, c'est que même en faisant des répétitions, ils vont corriger des trucs parce qu'ils vont se rendre compte que ouais, ça fait pas trop de. L'acteur va le dire. Ça fait pas trop de sens que je dise ça. Je pourrais-tu le dire autrement? Je pourrais-tu dire telle affaire, parler de ça à la place? Puis il disait qu'il y a certains personnages qui se sont peaufinés, qui ont changé du tout au tout. Dans The Endless, il y avait quelqu'un qui était supposé être un love interest. Puis ils ont comme fait non. En faisant la répétition, ils se sont rendu compte que non, on enlève ça. C'est plus un love interest, c'est juste un personnage normal. Fait que je pense que ça aide énormément. Ben vraiment, plutôt qu'un acteur, mettons, qui arrive, puis qui, premier jour de tournage, puis c'est la seule première fois qu'il voit ses coéquipiers, puis tout, puis t'es obligé de jouer des scènes d'amour, un truc comme ça. Tandis que là, ben, tu le sais, pour en faire du théâtre comme moi, c'est la meilleure façon de s'approprier le personnage, c'est en répétant, là, t'sais, puis tu finis par le connaître, ton personnage, puis à découvrir des choses sur lui que t'avais pas lu la première fois, que t'avais pas. Exactement. Puis ça fait en sorte que quand tu arrives devant la caméra, ça te prend pas 25 takes pour réussir ce que tu voulais faire. C'est ça. Alors, donc tu peux passer plus de temps à peaufiner les plans et tout ça. Leur travail est vraiment fascinant. Là. Pour l'instant, c'est score parfait là, en trois films. Ils sont pas trompés. Oui. Non, vraiment pas. Autre chose à ajouter? Ben, je sais pas, moi j'ai l'impression que je vais juste me répéter. Ouais. Depuis la sortie de The Endless, j'ai pas arrêté d'en parler, à quel point pour moi c'est parmi les meilleurs réalisateurs qu'on a de cette décennie qui sont sous-évalués, pas suffisamment connus, puis qui arrivent à faire des miracles avec des budgets super restreints parce qu'ils sont super talentueux pour installer et créer des univers tangibles avec pas grand-chose, seulement en suggérant, puis tu sais, comme le dit Sébastien avec des Sébastien et Jean-François, juste avec des plans de trucs anodins qui arrivent à rendre ça effrayant, je veux dire, déjà là, c'est des putains de génies, mais autant dans l'écriture que la direction d'acteurs. Fait que, tu sais, je suis fasciné à chacune de leurs œuvres. Fait que, non, vraiment, pour moi, c'est des génies, ces gars-là. On parlait la semaine passée de réalisateurs plus ou moins connus, en tout cas, qui fait des buzz dans le milieu, soit de l'horreur ou peu importe, de l'action, que Netflix allait chercher avant qu'ils deviennent trop gros. Je serais pas surpris que peut-être dans un film ou deux, on apprenne qu'ils ont signé quelque chose avec Netflix. Parce que ça reste que Netflix ont eu le trois films dans leur bibliothèque. Ouais. Je dirais pas non. Ah, salut Kevin Hood qui vient se rejoindre sur le chat. Hey, d'ailleurs, je fais une petite aparté, mais pendant que j'essayais de faire en sorte que Jeff nous parle des Patreons, j'ai oublié de nommer nos Patreons. Alors, nos patrons, qu'on remercie toujours et qui ont droit à leur shout-out, on a Kevin. C'est ça qui m'a fait passer. Le Kevin, merci beaucoup, Kevin, d'être un de nos Patreons All-Star. Véronique aussi, qui est sur le chat. Merci, Véronique, d'être une de nos patronnes All-Star. Et ainsi que Patrick de VI2XP, photographe, qui est aussi un de nos patrons. Merci beaucoup d'être un patron All-Star. On vous aime. Ha-ha! Et on passe au mardi. Et sur ça, on enchaîne sur le mardi. Et c'était Terrence Fisher, mardi. Ouh! Ouais, Terrence Fisher, qui est un gars de la Hammer. Ouais, il y a une assez grosse filmographie dans ce domaine. Moi, j'avais mis surtout Horror of Dracula et, si je ne me trompe pas, j'avais mis Hound of the Baskerville. Le film de Sherlock Holmes? Ouais, c'est j'adore ce film-là. Écoute, c'est ce que j'ai voulu écouter le mardi. Et finalement, j'ai été capable. La copie que j'avais n'avait pas de sous-titres. Et c'était impossible à suivre. C'était vieux film, vieux accent british, tout ça. J'étais comme, oh, il est tard. À un moment donné, j'ai comme fait, ça fait 2 minutes que j'ai rien compris de ce qui a été dit. J'écoute un film de Sherlock Holmes. Non. quand c'est arrivé à une scène de Sherlock Holmes, j'ai comme eu la première scène du début, parce que j'étais comme, Caroline, même sans un dialogue, j'étais intéressé. Là, il arrive Sherlock Holmes qui parle avec du monde, puis je fais, j'ai rien compris de ce que Sherlock Holmes disait. Oublie ça, j'écoute pas ce film-là. Il est où le plaisir d'écouter un film de Sherlock Holmes si tu le regardes et tu comprends pas ce qu'il dit. Mais je me souviens que j'avais écouté Horror of Dracula l'an dernier pour les 31 jours d'horreur, puis ça avait vraiment été un film que j'avais beaucoup apprécié. Mais tu sais, c'est ça, c'est du Hammer, c'est du gothique. Ceux qui aiment il y a de quoi dans la coloration, dans le filmé de l'époque qui n'existe plus aujourd'hui, qui a un charme. Ah, les costumes hyper colorés, là. Non, mais les costumes sont tout le temps magnifiques. Les décors avec, les décors très théâtrales. Moi, ça me fait tout le temps fasciner. Puis j'ai découvert, c'est-tu cette année ou l'année passée? En tout cas, borderline entre cette année et l'autre, je m'avais acheté un coffret de la Hammer, justement, qui était en spécial avec une coupe de classiques que j'ai pas vu. Puis j'ai vu pour la première fois, justement, de Terence Fisher, The Bride of Dracula. Et j'ai vraiment trippé, justement, sur l'aspect coloré et les décors. Puis tu sais, le titre est tellement mensongeur. Parce qu'il n'y a pas de Dracula là-dedans. Ça se passe avec le baron le baron Menster. Puis, tu sais, c'est joué par David Peel. Puis ça n'a aucun lien avec Dracula. Puis, tu sais, lui, il doit succéder un peu à Christopher Lee. Puis, tu sais, c'est assez différent. Mais tu sais, je trouve que le gars fait vraiment une bonne job. Surtout qu'on retrouve Peter Cushing en Van Helsing. Là. Ça, c'est assez plus traditionnel. Mais il y a de quoi dans la photographie, l'atmosphère... de cette époque-là, de ces productions-là qui me fait vraiment triper. Puis justement, Terence Fisher, il a vraiment le don d'installer une atmosphère constante, malgré même des moments plus calmes dans les dialogues. Là, je trouve que c'est un gars minutieux qui a le don du détail. À chaque fois que je découvre un de ses films que j'ai pas vu, je trippe sérieusement. Là, je trouve que c'est vraiment un maître dans ce domaine-là. Oui, ouais, vraiment. Ben, je pense que, d'après moi, si on regarde dans les principaux réalisateurs de tout ce qui a été de la Hammer puis tout ça, il doit être dans... Dans le top 3 des All-Stars, je ne connais pas beaucoup. Toi, Steven, peut-être GF, Vicky, je ne sais pas là, si vous connaissez un peu. Ben, il y en a plusieurs, mais ouais. Tu sais, oui, Terence Fisher, c'est quand même un des plus connus du lot. Là. Mm-hmm. Puis, c'est plate que tu n'aies pas pu voir The Hounds of the Baskerville, parce que je pense que c'est le seul film de Sherlock Holmes qu'on peut qualifier d'horrifique. Ouais. Mais encore là, c'est vraiment le fun là, comme film. Tu as un côté très, très gothique horreur, mais avant tout, c'est mélangé avec l'aspect... enquête est quasiment un peu farfelue entre ces deux personnages-là, Sherlock Holmes et Watson. Je me rappelle plus si Watson est là ou en tout cas il est peu présent, je suis plus sûr. Ça fait longtemps que je l'ai vu, mais non, c'est un de mes Sherlock Holmes favoris, celle avec. Ben écoute, je n'avais 10 ou 15 minutes d'écouter, puis je voulais vraiment continuer, là, mais c'est ça. Je vais essayer de me trouver une copie qui a des sous-titres. J'ai surestimé mon oreille ce soir-là. J'ai de la misère avec les productions british sans sous-titres, mais encore plus les films australiens. J'ai souvent essayé ça. J'avais essayé un revenge movie qui s'appelait The Horseman, puis il n'y avait pas de sous-titres sur le Blu-ray. J'ai fait, pas grave, je m'en fous. Asti, j'ai rien compris. L'accent est tellement prononcé. J'étais comme, OK, je suis incapable de suivre ça, malheureusement. Ça vous arrive-tu encore d'avoir besoin de sous-titres absolument, sinon vous dites oui ça, je suis pas mon film. Jeff, j'imagine que toi, ça doit être moins pire. Je suis paresseux, je mets souvent les sous-titres, là, mais si c'est british, je vais peut-être canceller le projet, mais quand c'est américain, je suis comme je vais y aller pareil. Là, mais je suis paresseux, je mets des sous-titres quasiment sur tout. Okay. Ouais, moi aussi. Dès que tu t'emmènes en ville à Petersburg, je mets les sous-titres tout le monde. Puis, ouais, c'est bon. Parle-moi pas, t'as pas de sous-titres. Toi, tu viens pas avec les sous-titres, reste chez vous. Toi, jamais sans ma fille. Ouais, mais moi aussi, je suis pas mal une fille à sous-titres. Même quand je comprends très bien, je les mets. On a une jambe de paresse ou ce qu'on fait comme garde, c'est correct. Mais c'est parce qu'en même temps, dans le temps où j'ai commencé à acheter des VHS d'horreur juste en anglais parce que je les trouvais pas en français, ça a dû me forcer à écouter juste les mots et à apprendre mon anglais ainsi. Puis ça marche, mais c'est juste que j'ai besoin de sous-titres pour approfondir plus en détail. Puisque des fois, j'entends un mot ou une phrase, puis OK, ouais. c'est pas exactement ça que je voyais. Là. Mm-hmm. Fait que, ça m'aide beaucoup. C'est pas tant de la paresse que j'en ai besoin vraiment pour saisir comme il faut le film à 100%. Là. Il y a un 5-10%. Ouais, c'est ça. Sécurité. Tu sais, c'est pas de manquer un bout de l'histoire parce que tu fais comme shit. J'avais pas compris moi, cette histoire-là, cette information-là. C'est souvent ça pour moi aussi, là. C'est vraiment pour pas manquer rien de l'intrigue. Là. Mais. Ben, moi, ben non, vas-y, Vicky. Mettons la série HHH, là. Il y a un bout que j'ai écouté en anglais, j'avais les sous-titres, puis ça allait trop vite, je voulais un sous-titre en français. J'étais comme, ok, j'avais tout compris, mais on aurait dit que par sécurité, je voulais être sûr parce que c'était quand même une information importante. Fait que tu sais, même des fois, les sous-titres, si ça va trop vite, puis t'es pas assez 100% attentif, tu sais, hey, t'as peu, là. Mais finalement, j'avais tout compris. J'étais juste insécure. Sur le chat, il y a Marc-Antoine Abontré qui a un point intéressant là-dessus. Il dit, c'est souvent le mixage du son qui va faire la différence. Dans les blockbusters, ouais. Les répliques sont isolées dans le mixage. Puis souvent dans les films indie, ça va se blender dans la musique puis les autres effets sonores. Ouais. Parce que quand on comprend un peu comment fonctionne le son puis les ondes, c'est que tu sais, la voix c'est surtout souvent un même niveau de il y a comme un range là, dans les sons aigus, graves et tout ça. Et la voix va se situer toujours dans les mêmes hertz. Écoute, je suis pas ferré là-dedans. Mais tu sais, t'essayes de rien mettre pendant des répliques, t'essayes de rien mettre de sons qui vont être dans ces mêmes zones-là. Ouais. Fait que souvent la musique va être soit plus aiguë, plus basse, et les sons en tout cas. Tu sais, puis ça va faire aussi que quand tu écoutes ton film dans un cinéma maison, ta voix va être centrée puis d'un côté parce qu'ils vont essayer d'arranger ça aussi dans le mixage au 5.1. Tu veux pas que ta voix sorte dans le même speaker qu'un bruit de char qui roule, tu sais. Et alors, plutôt que de parler de Terence Fisher, on vous fait un petit cours sur le mixage sonore. Non, ben merci, Steven, de nous avoir éclairci sur Terence Fisher. Puis je pense qu'il va falloir que quelqu'un m'éclaircisse aussi sur la prochaine, parce que j'ai pas réussi à trouver de film d'elle. Puis je suis déçu, parce que je voulais vraiment écouter Blood Diner de Jackie Kong. Mercredi. Ouais. C'est vrai que je voulais voir, moi, en fait, j'étais surpris sur le coup qu'elle était dans les... La liste, parce que je m'étais écrit ma part Black Diner, qu'est-ce qu'elle a fait d'autre, puis après j'ai remarqué qu'elle avait fait The Bean, que, oui. Puis tu sais, c'est vraiment une affiche hommage au film de créatures des années 50, puis je l'avais acheté dans un coffret, puis j'étais hypé de voir ce film-là, j'adore l'affiche, j'adorais tout ça, puis quand je l'ai écouté, Let Down, c'est un film qui laissait présager de quoi de généreux en gore. En fait, c'est super suggéré, c'est pas super bien réalisé, puis ça se veut justement un hommage au film de monstres, avec... une succession de couples qui se font attaquer par le monstre pendant que tu suis une enquête policière entre ça, mais c'est jamais passionnant, tu t'emmerdes, puis c'est difficile de voir le design de la créature qui semble cool sur l'affiche parce que souvent c'est mal éclairé puis mal cadré. Fait que moi, ça avait été une de mes grosses déceptions, tandis que Blood Diner, j'en ai entendu quand même du bien, que c'était quelque chose de relativement assez le fun, puis tu sais, surtout t'as Randy Quaid dedans. Fait que, non, je me mélange avec Parent, je retire ce que je viens de dire là, mais non, c'est ça, ça me semble le fun, Blood Diner. Mais ah, c'est ça. C'est dommage. J'aurais vraiment aimé ça qu'on puisse parler plus d'elle. Sinon, Vicky, Jeff, vous n'avez pas écouté non plus de Jackie Kong? Non. Non, ben, comme je t'ai dit, moi, Terence Fisher, quand on était mardi, j'étais vraiment pas dans le mood. J'ai eu une méga grosse journée, là, c'était épouvantable. Fait que j'étais pas dans le mood pour un vieux film classique. Vous savez, c'est quoi ce mood-là, là, l'espèce de. Faut que je vois la beauté au travers de mes connaissances. Là. Ouais, ouais, ouais. C'est un peu ce que je veux dire, fait que j'étais pas dans ce mood-là. Puis là, après ça, je regarde pour la fête du lendemain, puis elle a genre 4 films. Je suis comme, what the fuck? Pourquoi qu'elle s'est rendue là, elle, avec 4 films? Je dis, ah oui, c'est vrai, JF a voté pour toutes les filles. Oui. Ah non, je suis pas l'effort. Mais le pire, c'est qu'il a même pas écouté les films des filles. Eh hey, ouais, c'est. Non, à part lequel que j'ai écouté en début du mois, là, je me souviens plus. The Invitation, là, la fille. Avait... Non, même pas. On avait Karen Poussamon, on avait les Sœurs Soska, on Sœurs avait Moni Show. Sœurs Soska, j'ai écouté la... un des pires dans le fond du lot, puis il a tout skippé les meilleurs. Mais tu sais, c'est pas pire, il a écouté Prevenge au moins. C'était pas dans la liste, ben, c'est ça. Mais c'est ça. Moi aussi, j'ai écouté Terence Fisher, femme, là, mais... je n'ai pas parlé, là, mais non, j'ai regardé sa filmographie pendant que vous en parliez, puis je pense que j'ai rien vu de lui, à part peut-être le début du Fantôme de l'Opéra, puis j'avais trouvé ça plate à mort, fait que... non, j'ai rien vu de lui. Pas le fantôme, c'est pas le même qu'on avait écouté. Non, c'est celui de Hammer. Mais je suis pas fan de ce studio-là. J'ai jamais, même depuis que je suis jeune, genre, je découvrais l'horreur puis tout, puis je voyais c'est. J'ai jamais vraiment accroché à ce style-là. Fait que trop. As-tu pris la peine d'en écouter une couple, tu sais, des gros dans les quelques... populaires, justement celui de Christopher D, par exemple? Moi un peu, mais tu sais, j'aime pas le style trop, justement, trop théâtral avec des gros costumes puis des gros décors puis tout. Pis ça me plaît pas vraiment, là. Fait que. Ouais. C'est vrai ce que Marc-Antoine Labonté a dit sur le chat, puis je suis déçu de ne pas être proche, mais ouais. Blood Diner va avoir deux projections à Montréal cette semaine, le 30 et le 31. C'est le cinéma moderne. Ouais. cinémamoderne.ticketaccess.net. Vous allez pouvoir. Ticketaccess.net. Sinon, vous allez avoir la chance de le voir sur écran, ça peut être très. Pour ceux qui ont trop de cash à dépenser, il y a la compagnie Vestron qui l'ont sorti en Blu-ray. C'est juste que c'est tout le temps au-dessus de quasiment 40$ leur édition. Là, mais, Vestron, j'ai jamais entendu parler de celle-là. Ouais, tu sais, quand t'écoutais le clip de Thriller de Michael Jackson sur une VHS, t'avais le logo de Vestron qui passait avant. Okay. Puis, oui. En tout cas, ils ont commencé à sortir beaucoup de films qui étaient distribués par Lionsgate en DVD. Fait que là, tu sais, t'as genre Dagon de Stuart Gordon, la trilogie Warlock, les Wishmaster et ainsi de suite. Là. OK. C'est juste que ça coûte vraiment cher. Ouais, 38,95 sur Amazon. Vous allez être capable d'en trouver un usagé présentement à 30$. C'est le plus bas que vous pouvez trouver. Faut surveiller. Tu sais, comme exemple, le coffret de Warlock, il se vendait tout le temps aux alentours de 45-50$. Puis à un moment donné, j'ai vu quelqu'un qui le vendait usagé comme à 24$. Je me suis garaché dessus. Mais je trouve ça... Tu sais, ce qui est plate, c'est que leurs éditions sont vraiment belles. C'est des beaux transferts, mais il n'y a pas tant de bonus. Fait que tu payes vraiment cher pour des films souvent so-so. Fait que je comprends pas trop, là. Mais tu sais, peut-être que ça coûte cher pour eux de les produire. Là. Probablement. Mais tu sais, qui voudrait payer 45$ pour le coffret de Warlock? Ben, s'il y a quelqu'un d'assez fou pour le faire, si vous l'achetez sur Amazon, ben, passez par notre site quand tu seras plus down. Oui, exactement. Passez par notre site. Le lien n'est pas down, mais je peux pas le donner. Je l'ai vu, Blood Diner, pas cette semaine, mais je l'ai vu. Oh, mais parle-nous-en, Vicky! C'est la seule qui l'a vu, c'est ça? Oui, oui. Ah, OK. Ben, j'en garde un très, très bon souvenir, mais je l'ai vu en gang dans le cadre du douteux, puis je pense que c'est un film qui se partage bien. C'est moins un film qui s'écoute seul. J'en garde de bons souvenirs parce que je peux partager avec les gens de faire « What? J'ai-tu bien compris? J'ai-tu bien vu? C'est-tu vraiment ça qui arrive? » Tu sais, il y a un extrait qui est sur YouTube, tu sais. Je veux pas le dire parce que je pense pas que c'est pas un spoiler d'histoire, mais c'est un spoiler de joke. Fait que si vous faire spoiler la joke, c'est poche. Mais tu sais, ça fait au-dessus de 10 ans, puis ça m'a marqué tellement que c'était con, absurde, drôle et dégueulasse tout à la fois. Fait que le film m'a marqué par certains moments. Puis là, j'ai revoyé les photos, je fais ah, j'ai vu ça. Puis c'est vrai que j'ai eu vraiment des bons moments avec ce film-là. Mais est-ce que c'est une écoute à faire seule? Non, parce que. Tu veux partager. On pourrait l'écouter chacun notre bord, peut-être là sur Skype à se parler, là, puis on aurait du fun parce que tu veux partager cette écoute-là. OK. Jean-François, Marc-Antoine nous parle de l'épisode 35 de Shockwave, le podcast, qui recevait Jackie Kong. Il paraîtrait qu'il est très intéressant. Oui. Mais non, sérieux, ben là, avec ce que tu viens de dire, Vicky, je pense que ceux qui se demandaient si ça valait la peine d'aller le voir en salle, les 30 et 31, c'est le meilleur moment, là. Vraiment, vraiment. De le voir en gang, en salle, nous, on l'a vu dans le cadre du douteux, puis c'était vraiment bon. Cool. En gang, là, on riait, il n'y avait pas trop de temps mort, puis des fois, même, on faisait « Ah, t'as peu, là, c'est intéressant ce qui se passe, on veut tout entendre, on veut tout comprendre. » Fait que c'est une belle... c'est un beau film de salle, ça. Super. Écoute, je vais essayer de le mettre... c'est ça que j'allais dire. Je vais essayer de trouver une manière d'avoir une copie pas trop chère, mais là... quand la moins chère est à 30$. C'est difficile. Ouais. Si on continue sur notre liste, parce que là, la liste, vous allez comprendre que je la passe un petit peu plus vite, étant donné qu'on a on couvre le restant de cette semaine aussi. On va aller dans le futur. C'est débile. On va dans le futur, c'est dans cet épisode-ci. Et jeudi, c'était la journée Stuart Gordon. Quoi dire sur Stuart Gordon? Écoute, c'est un master, il y a une filmographie excessivement connue, surtout pour ses adaptations de Lovecraft, ou en tout cas sa façon de flirter avec tout ce qui est un peu Lovecraftien. Steven vient de nommer Dagon, justement, il me semble que c'est lui, ça. Oui. Dagon, c'est vraiment... C'est vraiment le moi, c'est un de mes préférés de lui. On a aussi From Beyond. On a Réanimateur. On a Dolls, si je ne me trompe pas, oui. Dolls. Oui, Dolls, puis From Castle Beyond. Castle Freak. Mais tu sais, oui. C'est drôle, tu sais, souvent, ses films à lui, c'est souvent mis en gros plan comme adaptation de H.P. Lovecraft. Là, tu vois, au-dessus de From Beyond, par exemple, mais souvent, les films n'ont aucun lien avec l'original. Puis souvent, Stuart Gordon n'a rien lu de ça. Là, on est tout le temps en train de l'associer à H.P. Lovecraft, mais le gars n'est pas tant amateur ou il connaît pas tant les films que lui a envie de faire selon le scénario. Puis les producteurs, eux, ont vu que c'était peut-être juste vendeur avec le H.P. Lovecraft, surtout avec Réanimateur. Fait que, ils ont continué avec ça, mais en tant que tel, ça, c'est juste un add-on. Ça, le film qui fait le plus H.P. Lovecraft de Stuart Gordon, c'est Dagon, justement. Oui, mais après L'Antre de la folie, c'est probablement le film qui est le plus H.P. Lovecraft. Là. C'est juste que il travaille moins tout ce qui est l'innommable et tout ça. Mais l'ambiance des villes dont Lovecraft parle dans ses livres, ou en tout cas les genres de créatures qui peuvent habiter ces villes-là, ces genres d'hommes mi-poisson, c'est dans Dagon que j'ai vu leur meilleure représentation. Puis je pense que c'est lui le plus intéressant là, en tout cas dans ce style-là. Mais sinon, je pense que le classique que tout le monde connaît de Gordon, c'est Réanimateur. Ouais, vraiment. Ouais, c'est vraiment celui qui est à voir. Mais je pense aussi une autre chose qu'on va souvent associer avec Stuart Gordon, c'est Jeffrey Combs. Ouais. Mais ce sont des grands amis dans la vie aussi. Là. Ouais, c'est ça. Puis c'est vraiment c'est son acteur. C'est son acteur fétiche, là. Ouais. Puis il a été jusqu'à le mettre dans son épisode de Masters of Horror, Black Cat. Je me souviens pas qu'est-ce qu'il jouait. Il jouait Edgar Allan Poe, c'est ça. Donc c'est ça, Jeffrey Combs a quand même joué Edgar Allan Poe et H.P. Lovecraft, là. Mais c'est ça, ce que je disais l'autre fois quand on a parlé un peu. Oui. Je disais, à Fantasia, en 2000... J'ai envie de dire 2009-2010... Stuart Gordon puis Jeffrey Combs étaient là, puis le scénariste aussi de Réanimateur était là. Ils sont venus présenter Réanimateur, puis j'étais là, c'était un samedi soir à minuit, je pense. Les trois étaient là dans la salle, puis c'était vraiment trippant de regarder le film avec eux autres. Mais ils étaient surtout là pour venir présenter la pièce qui s'appelait Nevermore, ou... Ouais, c'est ça, je pense. Mm-hmm. Puis c'était sur la... c'est un monologue, c'est une pièce à un seul acteur, c'est Jeffrey Combs qui joue le rôle principal, puis il joue Edgar Allan Poe, puis c'est lui qui sombre dans la folie, puis il parle de son... il parle de ses amours, de sa vie, de tout, en tout cas. Et c'est vraiment, vraiment fascinant. Puis là, moi, je savais pas trop à quoi m'attendre. Je connaissais Jeffrey Combs, je connaissais Stuart Gordon, je connaissais Réanimateur, j'étais un gros fan de ça. Puis je me suis dit, ça peut être trippant. Puis j'invite ma blonde. Je me dis, tiens, je sais convaincre ma blonde, tu sais, qui est pas trop, trop fan d'horreur, à aller là. Puis sa meilleure amie, puis le chum de sa meilleure amie. Puis les autres, c'est pas des fans d'horreur non plus, ben. Fait que je suis comme, ok, je sais pas trop quoi. J'espère que ça va être bon, là. Puis tout le monde a trippé. C'est vraiment une soirée de théâtre, là, extraordinaire. Jeffrey Combs était magnifique sur scène, là, t'sais. C'était une heure et demie, là, t'sais, puis il donnait tout là-dedans, là, tout. Il se donnait à fond, puis c'était une leçon d'acting là, incroyable, là, t'sais, puis j'espère, j'aurais aimé que le plus de monde possible voie ça, là, c'était vraiment trippant, là, c'était vraiment le fun à voir. Sûrement. J'ai trouvé ça nice, parce que malgré deux carrières complètement différentes, j'ai trouvé qu'à un moment donné, Stuart Gordon prenait une tangente un peu à la David Cronenberg, tu sais, à partir de Eastern Promise, mais à un moment donné, tu as eu Stuart Gordon qui a lâché Dagon, puis les trucs horrifiques avec des créatures pour aller dans quoi d'un peu plus réaliste, entre guillemets, avec Edmond. Mm-hmm. Il avait fait Edmond, qui était un film assez dark sur la psychologie d'un personnage qui est en train de virer en serial killer. Puis ensuite, tu avais eu l'espèce de huis clos stock où une femme rentrait en collision avec un gars qui va rester pogné dans son pare-brise. Puis elle va décider, sous l'effet de la panique, de rentrer chez elle, de le mettre dans le garage, puis juste laisser ça tout de même. Fait que là, tu suis le gars qui est coincé dans le pare-brise, puis qui essaye de s'en sortir, puis qui appelle à l'aide. Franchement, il est pas mort. Non, il est pas mort, il est vivant. Fait que c'est tout le long du film, tu suis lui qui est pogné dans le pare-brise, puis elle qui revient de temps en temps, puis il essaie de s'en sortir. Puis c'est un trailer crissement bien ficelé. Puis tu sais, le synopsis à la base est original, puis vraiment fréquent. Fait que je l'ai pas revu depuis ce film, j'ai vu une fois, mais je suis vraiment intrigué de le revoir. J'avais vraiment adoré à l'époque. C'est vrai. c'est le goût en salle. Je passe déjà à vendredi. Vendredi, qui était le regretté Tobe Hooper. Oh, shit! Ouais. Puis je suis déçu, je voulais me retaper Massacre à la tronçonneuse et je ne l'ai pas fait. Ça fait vraiment longtemps que j'ai pas revu Massacre à la tronçonneuse. Puis je l'avais vu à l'époque, puis après ça, je l'ai pas revu. Et j'en garde des souvenirs semi, mais en même temps, je pense que c'est moi qui n'étais pas encore le connaisseur d'horreur que je suis maintenant. Steven, ouais. Toi, tu l'as vu il y a une couple d'années à Fantasia, puis t'as habité là, je pense. Hein? Ouais, j'étais voir le nouveau transfert 4K qu'il y avait eu avec la présence de Toby, puis c'était une révélation, mon gars. J'ai jamais vu le film de cette façon-là. On dirait que maintenant, je voyais des images que j'avais pas vues autant avant. La trame sonore, le mix sonore surtout, des bruits, ça a vraiment été écœurant. Puis, tu sais, c'est un film que malgré toutes les années, il n'a pas pris une ride. Il mérite son statut de un des meilleurs films d'horreur qui a jamais été fait. Puis on était tous dans la salle comblée, là. Puis ça avait autant d'impact que si on était devant une production récente. Là. Tout le monde était subjugué. Puis fuck ça, ben revois ça. Tu vas prendre une claque, là, la scène du souper, qui est une pure folie. Là, j'ai beaucoup de souvenirs de celle-là. Les gros plans sur les yeux de Marilyn avec les espèces de veines de sang qui sont en train d'éclater. C'est vraiment, tu sombres dans la folie. Puis Toby Hooper, il y a une façon d'aller chercher l'espèce de chaleur puis d'humidité de ces décors qui vient transpercer l'écran. T'as l'impression de suer avec les personnages. Puis c'est vraiment de la fucking bombe. Puis c'est drôle. À un moment donné, moi, Toby Hooper, il y a eu une passe il y a super longtemps que je le voyais un peu comme un Wes Craven, dans le sens que j'aimais un ou deux gros classiques de lui, puis pour moi, sa filmographie était bof, puis je comprenais pas pourquoi on le mettait sur un piédestal. Puis j'ai fini par découvrir, à fur et à mesure, revoir ses films, puis dans des nouveaux transferts, puis vraiment, je l'ai revu à la hausse. Puis lorsque j'ai redécouvert Life Force en Scream Factory, j'ai battrippé ce film-là. J'ai découvert pour la première fois Eaten Alive de Arrow, qui est sans doute le film qui se rapproche le plus de Texas Chainsaw Massacre. C'est une espèce de mélange entre Psycho qui aurait passé dans le Blender avec Texas Chainsaw Massacre. C'est fascinant, ça, avec. Puis toutes ces autres œuvres aussi. Je trouve ça plate que les gens n'arrêtent pas de parler de Poltergeist comme étant un film de Steven Spielberg puis de délaisser Tommy Hooper, parce que c'est comme fuck that. Tu as des moments d'horreur visuels que c'est typiquement Toby Hooper, là, la scène des toilettes, je suis pas mal certain que c'est du Toby Hooper, puis une grosse partie de la finale aussi. Pis, oui, t'as une vibe de Steven Spielberg, mais derrière le projet, c'est normal, c'est évident, mais je trouve qu'on enlève beaucoup trop de crédit à ce gars-là. Puis même chose pour son Funhouse que j'ai redécouvert en Scream Factory, espèce de slasher dans une fête foraine qui est parfait pour le mois d'octobre. Ça, c'est un film que j'aurais foutu dans la liste à voir durant le temps d'octobre pour avoir un côté festif, justement, parce que tu sais, il y a eu un film d'horreur qui est sorti au cinéma dernièrement qui s'appelait Hellfest, ce qui était un film d'horreur dans une fête foraine. Puis j'étais comme, oh nice, ça me rappelle Funhouse, tu sais, je trouve ça cool de le ramener. Il est dans la liste. Si Toby Hooper est là, le film est là. Ben oui, rien. Ouais, mais c'est ça. T'as juste à écouter ça. Ouais, mais le problème, c'est que la plupart des gens vont délaisser ces autres films puis aller automatiquement vers Texas Chainsaw Massacre ou Poltergeist, puis ils osent pas trop aller voir ces autres films plus underground, puis je trouve ça dommage parce que... tu viens d'en parler, les gens vont aller voir. Ouais, ouais, non, c'est sûr. Alors, allez voir. Ouais. Surtout en 4K. Si D'ailleurs, Steven, je me suis filmé en train de faire la vaisselle, mais en 4K. Tu vas trouver ça et... Scream Factory va sortir ça bientôt. Non, mais dis. Arrow. Ouais, Arrow au film. Mais dis comme ça, mais ça sonne niaiseux, mais c'est vrai. Redécouvrir tous des classiques des années 70-80 dans des nouveaux transferts, alors que tu sais, la dernière fois que j'ai vu ces films-là, c'était sur des DVD boboche niveau transfert au VHS. Ça fait vraiment toute la différence. Tu peux vraiment voir le travail, la photographie. Oublie ça, tu vois pas le film de la même façon. Tu sais, on a beau avoir vu Jaws des centaines de fois quand on était kids en VHS ou même en DVD, quand tu revois le transfert 4K que la Universal ont fait, c'est un tout autre visionnement, là. C'est juste écœurant, là. Fait que moi, je supporte ça, les nouveaux transferts. Je vais pas bouder ça pour retourner dans ma nostalgie des VHS où que tu vois à peine les cadrages parce qu'en full screen, c'est de la crise de merde. Mais non, je comprends. Mais c'est ça. C'est pas donné à tous. Le lendemain était Lucio Fulci. Et moi et les Italiens, vous connaissez. Bon, mon histoire avec le cinéma d'horreur italien, pas que je n'aime pas, mais j'ai très peu de connaissances là-dessus. Pour ceux qui se demandent qui est Lucio Fulci, ben c'est un gars qui a quand même une filmographie vraiment grande. On va le connaître surtout pour les zombies. La maison du prédicimentaire, c'était ça qu'on avait suggéré. Lequel autre qui sera suggéré, les amis que vous connaissez plus? Zombie 2? Ouais, c'est Zombie 2, mais il a fait juste le 2 et le 3, il a fait lequel? Non, ben en fait, Zombie 2, c'est pas vraiment Zombie 2, c'est le titre français, parce qu'en France, ils ont voulu utiliser le succès de Zombie de Romero pour faire ça comme si c'était une suite, mais ça a crissement rien à voir. Fait qu'il s'appelle juste Zombie. Oui, parce que là, The Living Dead, c'était Zombie. Ouais, mais c'est Dawn of the Dead. C'est Dawn of the Dead qui était Zombie en Europe. God, ça devient mêlant. Hein. Dawn of the Dead était Zombie. Ouais, qui a été remonté par Argento à l'époque. Argento a fait sa propre version avec sa musique puis tout. Puis ça a été marketé comme Zombie. Puis après ça, Fulci est avec Zombie 2. Puis après, il y a Zombie 3, Zombie 4, Zombie 5. Vicky? Non, mais c'est ça. Je disais juste que moi, je le connais gros sous le nom de Zombie 2. Ouais. Je l'ai en DVD, c'est Zombie 2. Puis quand tu cherches sur IMDb, Zombie 2, c'est le premier qui t'y vient. Ah, oui, c'est ça. Celui de Fulci avec le requin puis tout. Là. Oh ouais, avec le requin. Le requin et cette scène de l'œil assez... Oui, la scène de l'œil. C'est incroyable. C'est drôle parce que l'autre jour, il passait à Frisson TV. Puis tu sais, je faisais comme zapper sans regarder c'était quoi le titre du film. Puis je fais comme, ah, ça ressemble à Zombie 2. Puis là, je fais comme, oh, ça ressemble à direct la scène de l'œil. Là, je peux supposer. Je fais, Marie-Ève, viens voir ça. C'est chiant. Là, j'étais comme, check, là, ce film-là, il date de 1970 quelque, je pense, 78 peut-être, dans le film même. Puis là, je dis, regarde, c'est encore solide, cette scène-là, là, elle fonctionne bien. Là, c'est sûr que la dernière take, tu fais comme, bah, c'est là que le mannequin arrive, mais jusqu'à la dernière seconde, il te fait toffer, là. C'est là que ça rentre, c'est quand même cool. Mais je connais pas les autres films de sa filmo. Il y en a plusieurs. Il a fait une adaptation dérivée de Black Cat de Edgar Allan Poe. Je peux pas te dire à quel point ça peut suivre. Mais c'est un réalisateur qui a vagué dans toutes sortes de trucs. Il a fait du cinéma érotique italien. Il a fait des trucs, des genres de polar assez gore aussi également. Mais c'est sûr qu'il est vraiment connu en tant que tel pour The Beyond, City of the Living Dead, House by the Cemetery, qui sont toutes des masterpieces du cinéma italien. Puis c'est drôle parce que t'as deux catégories de fans pour Lucio Fulci. T'as ceux qui trouvent que c'est juste des gros nanars cheap, cheesy. Puis t'as d'autres pour qui c'est des espèces de gros masterpieces. Et moi, je fais plus partie de ceux-là parce que je perçois son cinéma comme un des cinémas non seulement les plus crasses, mais c'est surtout des films qui semble appartenir à un univers d'un rêve. C'est tout le temps des espèces de cauchemars éveillés où que c'est jamais cohérent. Tu sais, t'écoutes les films, tu dis, oh, le scénario est bordélique, mais ça fit avec la structure de des univers que Fulci a créé. Puis tu sais, City of the Living Dead, t'écoutes City, ça, t'as juste l'impression d'être dans un cauchemar où que les trucs s'enchaînent de façon complètement aléatoire, mais c'est vraiment au niveau de l'atmosphère que ce réalisateur-là arrive à venir chercher tout ça. Puis surtout ces scènes de gore qui sont extrêmement crasses puis graphiques. Vraiment. Mais, écoute, c'est un master en tant que tel dans ce domaine-là. Puis je trouve ça dommage si vous n'avez pas vu grand-chose de ce master. Mais oui, écoute. Non, ben moi, c'est un gros mea culpa, là. Vous le savez, pendant longtemps, j'ai été un néophyte du cinéma italien. Puis c'est un cinéma vers lequel j'ai tout le temps un peu de la misère à me risquer. T'sais, on dirait que tout le temps qu'il faudrait que quelqu'un me dise « Non, écoute celui-là. Là. Écoute-lui, tu vas être correct. T'sais, écoute-lui, tu vas être correct. » Mais j'ai comme de la misère à dire « Je vais en écouter un comme ça. » Je vais tout le temps m'en aller ailleurs. Ben, c'est peut-être une question d'adaptation aussi. Je veux dire, souvent, les personnes qui vont écouter pour la première fois un film italien, ils vont fixer sur le fait que le dubbing est à chier. Tout sur des détails-là, mais c'est un coup que tu... Un coup, ça devient une genre d'habitude, puis t'embarques un peu dans ce domaine-là. Je veux dire, ça passe mieux, ces détails-là. C'est des détails que tu fixes plus vraiment. Puis c'est dommage parce que tu sais, il y en a quand même que tu peux écouter en version originale italienne, à la limite, mais la plupart qui sont offerts, c'est les versions de Bernard. Mais même là, je pense, corrige-moi si je me trompe, mais il me semble que Parce que à ma connaissance, tous les films italiens, ou presque depuis de toutes les époques, sont doublés. C'est tourné genre dans la langue des acteurs. Genre, ça peut être. Les acteurs peuvent parler en même temps en anglais, en français, en italien, peu importe. Puis après ça, ça va être doublé en anglais. Mais le film, il va tout le temps sortir doublé, même en Italie, je pense. Globalement, ça se pourrait, mais je sais que j'ai vu des éditions où que tu pouvais avoir les tracks originales en italien, mais c'est effectivement plus rare. Souvent, parce que tu as des films, de Terence Hill qui joue avec Bud Spencer, même des films avec Bud Spencer aussi, des westerns qui étaient, les autres c'était des Italiens, puis ils tournaient en italien, mais même là-bas c'était, en tout cas je pense que ça, puis ils jouaient des fois avec des acteurs américains et tout, puis en tout cas c'était, sur le plateau ils parlent toutes sortes de langues, mais c'est doublé en italien, doublé en anglais, mais c'est peut-être que les versions qui sortaient en Italie, comme tu parles, peut-être qu'ils doublaient aussi en italien, je sais pas, pour doubler les Américains, mettons. C'est à se demander c'est quoi la langue d'origine. C'est ça, moi dans ma tête c'est un gros bordel le cinéma italien, la question de la langue, là, mais en tout cas... À ma connaissance, tout est doublé, mais je me trompe peut-être. T'sais. Écoute, si c'est vraiment ça, je veux voir un film avec l'attaque originale où chacun parle dans sa langue maternelle. T'es comme, putain, qu'est-ce que c'est qu'il dit là? moi, j'ai vu Zombie 2 une couple de fois. J'ai bien aimé ça, mais je pense à The Beyond, puis The Beyond, je suis comme, oh non, j'ai vraiment haï ça à mort. Oh, ça m'a pris trois fois à le regarder, puis j'ai détesté ce film-là. Ça m'a tout pris le finir, puis c'est que j'ai haï ça. Ah, je me sentais seule là-dessus. Ah ouais, vas-y, Vicky. Ben non, t'as pas de chance là-dessus. C'est juste parce que, tu sais, c'est le fameux phénomène de film hyper culte, hyper apprécié, qui est souvent nommé, puis tu l'écoutes, tu fais comme... Qu'est-ce que j'ai pas vu? Qu'est-ce que j'ai pas compris? Puis moi, ça a été ce film-là qui m'a fait un peu avoir peur des films italiens comme toi, Seb. Mais, puis en plus que j'aime pas Suspiria, tu sais, fait qu'on s'entend. Mais on dirait que j'ai jamais laissé tomber. Puis j'ai plus trouvé ma voie ailleurs, comme avec Zombie 2, que j'aime beaucoup. Mais là, je commence là avec Argento, je commence à en écouter beaucoup. Puis je vais peut-être encore... Je peux quand même pas réessayer Suspiria une quatrième fois. Mais c'est parce que Suspiria, je le sais, ce que j'aime pas dedans. Puis ça n'en fait pas un mauvais film à mes yeux. C'est, en tout cas, c'est bref. Puis ben c'est ça. Fait que je pense sincèrement que The Beyond, il est juste pas venu me chercher, mais je veux le réessayer une deuxième fois. Je vais lui donner une deuxième chance quand je vais avoir fini d'explorer un peu plus mon cinéma italien. Mais le cinéma italien, qu'il soit horreur ou pas, il est vraiment particulier. Il est très imagé. Très, très imagé. T'es plus courageuse que moi. Mais on a eu plein de faces tristes sur le chat quand j'ai parlé de Beyond. Ah, là, là. Hey, gang, je pense qu'on va prendre une petite pause parce qu'on vient quand même de couvrir quasiment 5 journées de fil. Et ben, on va aller une petite pause musicale. On va prendre une suggestion, encore une fois, de notre ami Guillaume Couture, qui nous faisait une chanson liée à l'horreur par jour. Et on va y aller avec sa suggestion d'aujourd'hui, qui était « Cry, a Little Sister » de Marilyn Manson. Je vais vous lire vitement ce qu'il nous dit. Il dit « On ne peut pas prétendre que Marilyn Manson ne connaît pas son public. Quiconque était à l'apogée de la superstar antéchrist dans les années 90 est forcément assez vieux pour avoir vu The Lost Boy. » Que Manson reprenne la chanson thème du film ne surprendra personne, ça semble aller de soi. Ça donne une version respectueuse de l'original, immanquablement plus lourde, qui garde intact son aspect accrocheur. Alors, on s'en va voir Marilyn. Mais écoutez, on va pas le voir. On va écouter Marilyn Manson qui nous fait la chanson thème de Lost Boys. Et on se retrouve après. Cry, little sister. Wow, l'interprétation. Je pense qu'on va rester avec Steven qui nous interprète. Là, ça va me prendre des cœurs d'enfant, là. Oh boy! La chaîne à fond. En fait, je préférais imiter le gars au saxophone. Okay. Tu vois, tu sais, c'est mon cœur d'enfant. Tu veux-tu m'y arracher le cœur à cet enfant-là? T'es pas le game! Vas-y! Alors, on est de retour après cette chanson de Marilyn Manson avec la continuité et la terminaison, la fin de ces 30 jours d'heure. La terminaison. La toune de Terminator, c'est excellent, Steven, c'est excellent. Ben, moi, j'ai reconnu, tu sais, si t'avais fait tatatum, tatum, puis on aurait fait comme quoi. Steven, un petit. Non, c'était sa coche. On est rendu. Ben, c'est la journée d'aujourd'hui, mais bon, on est en train de faire un podcast, alors on n'est pas. On n'est pas en train de l'écouter, mais c'est la journée Alexandre. Et là, c'est là qu'il y a le débat. Aja ou Aya? Moi, je dis Aja. Moi, j'ai toujours dit Aya. Ah, je sais pas. Ah, je sais pas. Puis toi, Vicky, tu dis Aja ou Aya? Je dis Aja. Bon, ben. Ça m'a l'air qu'Aya va dire Aja. Stop. Donc, ben, Alexandre Aja, qui s'est fait connaître rapidement pour son Haute Tension, c'est son premier film qu'il a réalisé, Haute Tension? Ben, son premier qu'il l'a fait connaître. Oui. Parce que ça, après ça, ça a été son remake de Hills of Eyes. Exact. Piranha 3D. Ah, puis tu vois, je me souvenais pas que c'était lui qui avait fait l'adaptation de Joe Hill, le film Horns. Puis avant Piranha, oui, c'est lui qui a fait ça. Puis avant Piranha, je pense qu'il avait fait Miroir. Oui, un film asiatique. J'ai-tu nommé... C'est pas lui qui avait fait un Maniac? Non. Non, il l'a juste pas dit. C'est son compagnon scénariste. Ou Frank son chum, en tout cas, Calfoun. OK, Frank Calfoun. Ah ben oui, regardons. C'est juste pas du temps sur celui-là. Puis il a écrit le scénario pour P2 également. OK. J'imagine que tout le monde a connu Aja dans le temps pour Haute Tension. Ouais, moi j'avais un ami de la France. Le film était sorti là-bas, puis ici évidemment on était très en retard, puis il y avait un gros boss, puis il m'avait envoyé une copie de son DVD, puis je l'avais vu avant que la plupart des gens au Québec le voient. Puis non, ça m'était. T'étais un hipster de Aja. Ouais, j'étais un hipster. Mais tu sais, c'est comme ce film-là qui a reparti le cinéma de genre en France d'horreur, tu sais. Je me rappelle plus c'était quoi qu'il y avait eu avant. Là. Peut-être Baby Blood qui était dans les derniers, si je me trompe pas, mais ça a fait un gros buzz. Puis après ça, ça a engendré tout ce qu'on a eu par la suite. Frontières, à l'intérieur, ainsi de suite. Je sais pas, là je me lance loin, mais le Pack des loups, on pouvait-tu nommer ça comme un film de genre? C'est un film qui mixe énormément les genres. C'est un film de geek. Le gars, il s'inspire de beaucoup de choses, des arts martiaux, du cinéma asiatique, du film d'enfance, du film d'époque. C'était un gros foutoir qui n'était pas tout le temps linéaire, mais je trouvais ça généreux et crissement le fun à l'époque. Ouais, c'est ça. OK, mais en tout cas, je veux dire, ça sort de Aja, mais je me demandais si ça n'était un qui avait pu être un peu un de ceux qui a décollé, mais c'est un peu loin. Là. Il n'est pas totalement dans le film de genre. Il flirte beaucoup, par contre. C'est pas mal un blockbuster qui flirte dans beaucoup de genres. Là. C'est difficile à étiqueter. Là. Êtes-vous de ceux ou de celles qui ont préféré son remake de Hills of Eyes à l'original? À l'époque, ouais, j'avais pris une claque, j'avais été le voir au cinéma, puis j'avais trippé, puis j'étais pas un gros fan du film de Craven. Pour moi, je gardais ça en tête comme étant une grosse série Z qui avait mal vieilli. Puis je l'ai dit dans un autre épisode, mais je l'ai revu. Je l'ai revu plusieurs années plus tard et je suis retombé en amour avec celui de Craven. Ouais. Vicky? Ben moi, je regarde la filmo déjà, j'ai pas tout vu, mais tout ce que j'ai vu, j'ai apprécié. Autant de Hills of Eyes, le remake, moi j'ai aimé Haute Tension. Là. Je sais que maintenant aujourd'hui il y a un hate autour de ce film-là, puis je sais pas pourquoi. Là. Ben même à l'époque, moi, il y avait un hate autour de ce film-là, j'ai jamais compris. Moi j'avais été de ceux qui étaient dans le hate de Haute Tension. À cause de sa finale qui m'avait frustré au plus haut point, qui m'avait pris. Je trouvais qu'il me prenait pour un imbécile. Mais faut pas se laisser berner par ça puis cracher sur le film. C'est la décision de Luc Besson. C'est même pas la fin originale de Aja. C'est juste Besson qui a voulu intégrer ça. Fin originale? Elle n'existe pas. Ah, okay. Est-ce qu'on sait c'est quoi? Peut-être, faudrait fouiller sur le net. Là, me semble que j'ai vu une interview qu'Alexandre expliquait un peu plus c'était quoi, comment le film était supposé se terminer. Okay. Je suis vraiment curieux parce que moi, ça a été le truc qui m'a gossé. Parce que sinon, c'est un film que j'avais aimé tout le long. Philippe Nahon était terrifiant là-dedans. Honnêtement, on est habitué à le voir dans une... J'allais dire plus des comédies, mais fuck, quand t'écoutes Seul contre tous de Gaspard Noé, c'est Chris Mandeur qui est déprimant, là, c'est rien. Mais dans celui-là, vraiment, il était une figure vraiment marquante, là, avec son habit jaune, puis son scalpel, là, puis sa casquette. Là, vraiment, là, c'était efficace. Là. Et toi, Jean-François? J'ai pas vraiment d'opinion, j'ai juste vu Miroir puis Piranha 3D, j'ai rien vu d'autre. Mon Dieu, ok. T'as pas vu, ok, t'es comme dans l'autre opposé, là. Ah oui. T'as vu ceux qui ne faut pas nécessairement. T'as vu les deux qui sont pas les deux essentiels. Ben, j'ai eu du fun quand même à les voyants, mais j'ai même pas vu Elzavès, l'original, fait que non, j'ai pas d'opinion. Il me semble que Mirror, je l'ai pas vu, lui. C'est non, son c'est... seul que j'ai pas vu. C'est avec Kiefer Sutherland. Ouais, c'est pour ça que je l'ai vu, parce que j'aime Kiefer. Oh my god, ah, oui, ben, okay, c'est beau, je viens d'allumer, c'est quoi? Ouais, je pense que je l'ai vu d'un œil, là, tu sais, il passe à tout. Il y a des très bonnes séquences. Ouais, moi, il m'avait foutu un petit peu à trouille. Hein. Ouais, c'est ça, il y a des bonnes séquences, puis Aja a quand même fait un gros travail au niveau de sa mise en scène pour tout le temps intégrer des miroirs, puis faire des plans par rapport à ça, pour qu'il y ait tout le temps une espèce d'atmosphère à ça, puis je trouvais que c'était quand même réussi. Je trouvais que le côté plus... Il y avait un côté très G-horror, surtout dans sa finale. Ouais. C'est ça qui m'avait un peu gossé. Mais, tu sais, même si c'était pas aussi bon que The Hills Have Eyes, il y avait quand même des bonnes séquences. Tu sais, la scène du bain, je pense que... Ouais, c'est ça. Tout le monde s'en rappelait, là. Là, avec la mâchoire, là. Oh, oui, c'est assez intense, là. C'est intense, là. Mais non, c'est ça. Faudrait peut-être que j'y redonne une chance à m'amener, là. Mais ouais, j'ai pas de bons souvenirs de Mirrors. Puis, ben, son Piranha 3D, écoute, c'est du gros fun... Gros fun en boîte, là, c'est... Ben, moi, je pense que c'en est un à voir. Piranha 3D, c'est un que tu vas faire, non, tu vas comme lever le nez, puis un coup, tu vas voir, ben voyons, c'est donc bien bon, c'est donc bien drôle, c'est... Ben oui. Je suis allé voir ça, puis tu sais, je suis pas un fan de 3D, mais je me dis, 3D existe pour ça, là, c'est trop le fun. Ben, c'est surtout qu'il est vraiment tourné en 3D, tu sais, c'était pas juste converti, fait que, tu sais, ça fonctionnait, c'était nice, là. Ben oui. Puis, tu sais, tu comprends rapidement que le film est fait pour s'amuser, là. Ben oui. Tu fais pas comme « Ah, mais c'est bien niaiseux, il y a la moitié du corps de manger par les piranhas. » Mais non. Il y a son Horns qui est aussi mitigé côté commentaire des gens. Ouais. J'avais aimé, mais j'avais été mitigé aussi. Ça fait vraiment trop longtemps que je l'ai vu. Là, je peux pas remettre le doigt sur ce que j'avais aimé ou pas. Là, mais... Je me souviens que j'avais pas été 100% convaincu. Moi, c'est toutes les révélations finales qui m'avaient bof. J'avais trouvé que plus le film avançait, plus ça descendait alors que ça commençait bien. Mais je l'ai vu une fois, puis ça fait longtemps. Fait que je suis curieux de le revisiter, voir. Ouais. C'est drôle, moi, c'est le contraire. Moi, c'est les révélations finales qui m'ont flabbergasté. OK. Qui m'ont fait apprécier le film. C'est comme plus ça avançait, OK, c'est là que ça va aller. Oh, wow, moi, c'est ça. Bon. Moi, c'est le contraire, comme, totalement. Je sais pas, moi, la finale à la Scream, j'étais comme, c'était pas nécessaire, là. Ça fait très... Je me souviens absolument de rien. OK. Je le dirai pas d'abord, je vais te laisser le revoir avec la surprise. Jeff, toi? C'est vrai, tu dis que t'avais pas vu. Ben, je me rappelle qu'on avait parlé, c'était d'un début de... Quand je commençais avec Horror Gamer, là, il me semble que Pierre l'avait aimé, ce film-là. Mais... Ouais, il avait adoré à l'époque, je me rappelle. Ouais, c'est ça. Je m'étais acheté le livre, puis je l'avais commencé, puis j'aimais pas l'écriture de Joe Hill. Fait que j'ai fait fuck. Ça me... Non. Oh. J'ai même pas regardé le film. Puis, c'est ça. Et là, présentement, il est sur des films qu'on connaît, qu'on attend. Je sais pas. Ça fait longtemps qu'il n'a rien fait. Le dernier truc qu'il a réalisé, c'est un genre de... On va dire film, mais c'est comme plusieurs courts-métrages tournés pour la VR. Puis on pouvait en écouter durant le Fantasia, puis j'ai pas eu la chance de voir son segment, malheureusement. Oui, je me souviens, tu nous en avais parlé rapidement. Ça. Cool. Puis c'est ça, mais ça reste un... Ça, c'en est un qui a pas vraiment une touche, je dirais. Y a-t-il une touche, Aja? Je dirais que non. En tout cas, il l'a pas encore démontré. Il faudrait vraiment qu'on les écoute plus attentivement pour le savoir. Ça fait longtemps que je veux revisiter ces films, en fait, mais je te dirais que Aja est quelqu'un qui est très amoureux du survival. Fait que, quand tu écoutes Hantation et de Hills Have Eyes, C'est pas mal du gros survival extrême. Mais dis de même, c'est vrai que j'avoue que j'ai de la misère un peu à décerner un peu son style en tant que réalisateur. Là. Exact. On va passer au suivant, qui est un inconnu pour moi, et j'espère demain pouvoir peut-être y jeter un œil, à moins que Steven nous dise pourquoi, qu'est-ce qu'il faisait là. Parce que je pense que Steven est le seul à le connaître, vous me corrigez si je me trompe, et c'est Larry Fessenden. Ouais, moi je m'avais mis comme objectif de mettre des réalisateurs un peu moins connus ou que les gens n'ont pas vu grand film, puis celui-là, il fait partie un peu du underground, il a fait au-dessus comme... 1, 2, 3, à peu près 4-5 films, puis dont un épisode de Fear Itself, de Master of la série après Master of Horror. Puis lui, je trouve que c'est un réalisateur qui a vraiment un univers puis une touch propre à lui-même. Puis c'est tout le temps, tu sais, oui, des petites productions, mais ça n'a jamais levé, ça a jamais vraiment levé. J'ai l'impression il y a juste Guillermo del Toro qui avait lancé un peu des fleurs pour son The Last Winter, qui était un film dans l'Antarctique avec une petite station pétrolière, puis ça se voulait très, très de thing par rapport à la paranoïa, avec quelque chose qui infecte les gens, puis est-ce que c'est vraiment la personne qui dit aide, ces choses-là. Et en fait, moi, j'identifie ce réalisateur-là, qui est aussi acteur, que vous le voyez très souvent, c'est juste que vous peut-être que vous connaissez pas de nom, mais c'est le gars qui a l'air d'un clone de Jack Nicholson. Là. Il y a vraiment, on dirait, le Jack Nicholson de Shining, là, je l'identifie tout le temps comme ça avec son front. Mais c'est un gars qui fait de l'horreur écologique. À mes yeux, c'est comme ça que je le vois. Il a fait il y a trois films. Son premier, c'est Not Telling. C'est un genre de Frankenstein, mais le gars essaie de faire un genre de Frankenstein avec des morceaux d'animaux, de différentes races, d'espèces d'animaux. Puis le film est très critique par rapport à ça, du traitement, puis des expériences sur les animaux. Puis alors, ensuite, il a fait le Wendigo, qui est aussi une critique, puis qui exploite surtout les légendes folkloriques par rapport à ça. Tu sais, le Wendigo, qui est une espèce de genre de cerf-dieu qui attaque les chasseurs. Puis il avait fait aussi Benet, je suis pas sûr de le dire comme il faut, mais qui était une gang de jeunes qui allaient s'amuser. Benet, c'est ça, qui allait sur un lac pour fêter, s'amuser, puis il se fout de la nature. Tu sais, il crisse des canettes, des affaires un peu partout, puis il y a comme un genre de vieux sage indien qui prévient comme « Arrêtez de faire ça, si vous respectez pas la nature va finir par se virer contre vous. » Puis t'as comme un genre de gros poisson mythique d'une autre époque qui commence à les attaquer. Puis c'est tout le temps un peu ce genre de thème-là qui est dans ces films. C'est bien drôle. Puis je trouve ça nice, je trouve ça original qui s'attarde beaucoup à ça. Puis justement, c'est lui qui avait écrit le scénario du jeu « Until Dawn ». Puis plus tu continues dans le jeu Until Dawn, qu'au début t'es un slasher, plus tu t'en vas vers de quoi? La Wendigo, c'est comme, ça paraît tellement que c'est du Larry Fessenden. Il y a juste un film qu'il a fait qui se démarque un peu de ses thématiques, qui s'appelait Habit. Et pour moi, c'est pas mal son chef-d'œuvre. C'est un film vampirique qui se déroule à New York. Et c'est filmé quasiment comme un Martin Scorsese à la Taxi Driver. Un New York vraiment crasse. Avec un espèce de loser. Puis il va rencontrer une fille durant un party d'Halloween qui va avoir un genre de crush par rapport à elle. Mais en fait, c'est une vampire. Puis ils vont développer une genre de relation étrange et morbide. Puis c'est quasiment lui qui va devenir un peu la victime de tout ça. Il y a des moments où c'est carrément lui qui se fait violer par la fille vampirique. Puis j'étais comme, oh, c'est rare que je vois au cinéma un gars se faire violer par une femme. Et je trouve que ce film-là est arrivé dans les débuts des années 90, puis si je me trompe pas de l'année. Puis c'était un film qui jouait avec les codes vampiriques, puis il était quasiment novateur, je trouvais, à l'époque. Mais c'est juste qu'il est tellement passé dans le beurre, puisque c'était vraiment une petite production, que là, les gens l'ont juste pas vu venir. Et là, Scream Factory ont sorti un beau coffret avec pratiquement tous ses films, il en manque un. En Blu-ray, super bon transfert. Puis je trouve que c'est un des meilleurs moyens de découvrir ce réalisateur-là qui a beaucoup de potentiel. Puis apparemment, qu'il tourne peut-être de quoi, mais j'ai vraiment hâte de voir ce qu'il va faire prochainement. Je trouve qu'il y a vraiment une touch à lui. Puis je trouve que son cinéma se démarque de qu'est-ce qu'on voit avec les autres réalisateurs. Cool. Puis tu vois, tu parlais de l'épisode de Fear Itself. Son épisode, c'est Skin and Bones. Et c'est un de ceux que j'ai préféré dans Fear Itself. C'était celui qui mettait en vedette Doug Jones, qui est le master des personnages déguisés. C'est comme le ouais, il joue les créatures. C'est comme le Andy Serkis moins connu, mais qui je trouve est encore plus solide que Serkis à certains moments. Et dans cet épisode-là de Fear Itself, il est foutrement effrayant. C'était vraiment efficace, cet épisode-là. Puis il y a aussi que c'est un producteur quand même important. Il avait développé sa petite compagnie qui s'appelait Glass Eye Pictures, proche de ça. Puis il a donné la chance à des réalisateurs de justement monter un peu dans les échelons. Tu sais, c'est grâce à lui que Jim McCall a pu faire son Stakeland. Puis tu sais, Jim McCall, ensuite, sa carrière a plus décollé avec We Are What We Are et son film de vengeance Cold of July. Un qu'on voit plus depuis un moment, j'ai hâte de voir son nouveau film. Mais non, c'est ça, c'est un gars qui est quand même bien impliqué dans l'horreur, qu'il a fait un peu de tout. Fait que vous devez prendre une chance pour essayer de le connaître, c'est vraiment un réalisateur intéressant. Ah, c'est cool. Si tu veux qu'on le connaisse, en 10 minutes, il faudrait que tu répètes son nom au moins une fois. Larry Fessenden. Voilà. J'ai regardé, j'étais comme, ça fait plein de synonymes, mais jamais son nom. Dis son nom! Je sais pas, il me semble que je l'avais dit comme une fois au début. Ouais, puis c'est aussi, je suis pas sûr. T'sais, ouais, non, je sais. J'écoute ça en saccadé, là, fait que faut que tu le répètes. Merci! Au pire, allez voir la liste. Oui. Fessenden. Fessenden. Au pire, allez voir la liste sur notre site quand il fonctionnera. C'est ça. Mais tu fais ça s'ils écoutent l'épisode, le monde, parce que le site fonctionne, parce que je peux rien uploader. on va continuer avec un autre master que je ne maîtrise pas beaucoup, contre à moi, mais c'est Mario Bava. Et c'est celui qu'on aura pour mardi prochain. Mais c'est encore Steven Bava, qui va parler. Ouais? Non, ben là, écoute, la dernière fois, on a fait un épisode là, qu'on avait commencé à faire le tour avec Bava, mais qu'est-ce qu'on a à dire de plus sur Bava? Bava, c'est un des plus grands réalisateurs italiens qui a été une grosse influence. Puis il a fait une des meilleures anthologies ever qui a été faite avec Black Sabbath. Ouais. Les trois segments sont mémorables. Puis c'est un peu lui aussi qui a débuté le slasher avec son Bay of Blood. Il y a tous les codes qu'on veut du slasher, un genre de pré-film. C'est juste que ce film-là, c'est une espèce de whodunit avec tellement de personnages qu'à un moment donné, tu sais plus qui. Là. Mais c'est un master italien qui joue beaucoup dans le gothique, le visuel léché, puis qui a été une grande source d'inspiration pour beaucoup de réalisateurs, incluant Argento et ainsi de suite. Là, je veux dire. C'est le Hitchcock italien, Mario Bava. Puis là, je me mélange peut-être, là, mais son. C'est-tu lui que son Planet of the Vampires serait peut-être l'inspiration de Alien ou c'est Planet quelque chose d'autre? Je me trompe, là. Si ça dit rien à personne, c'est que je me trompe. Non, mais je connais son Planet of Vampires qui a été réédité il n'y a pas super longtemps, puis que ça sort des bouts de la mythe, mais qui avait été l'inspiration. Mais ça se peut, il me semble, j'ai entendu ça, que c'était une inspiration. Je vais chercher, puis continuer à parler. OK, ben moi, je vais juste dire, on parlait de films italiens. Moi, je suis en train de documenter beaucoup sur le giallo, les films gialli, et sincèrement, Steven vient de le dire, c'est moins compliqué que ce que c'en est, parce que ce que c'est des whodunits. Moi, je m'attendais à quelque chose. Je m'attendais qu'il fallait que je comprenne quelque chose, qu'il fallait que je creuse, mais je pense que je creusais trop loin. Les films de Mario Bava, comme beaucoup de gialli, c'est des films simplement de whodunits. Et je dis simplement parce que c'est ça qui est intéressant, en fait. Dans ces films-là, je suis en train d'aller sur Dario Argento, puis sur Bava et tout, puis c'est retourner aux bases, dans le sens où on n'a pas essayé de faire des films complexes, on a juste fait des beaux films avec des indices. Fait que quand tu cherches quelque chose, c'est probablement des indices, mais un film de Bava ou de Argento n'est pas censé être plus compliqué qu'un film d'Hitchcock. Fait que si vous êtes proche d'Hitchcock, si vous comprenez Hitchcock, essayez pas de comprendre plus Bava ou Argento que ce que vous comprenez de Hitchcock. C'est beau, c'est le fun, quand vous le voyez. Si vous ne l'avez pas vu, vous ne l'avez pas compris, mais vous avez apprécié l'histoire, c'est bon aussi. Je me trompe, hein. Excuse-moi, je sais pas si vous vouliez rajouter quelque chose. Mais non, mais je meublais le temps, là, fait que s'il vous plaît. Oui, mais merci. Merci, j'ai comme trouvé ma réponse au moment où tu as terminé. Et je me suis trompé, c'est The Thing from Another World. Complètement ailleurs. Oubliez ce que j'ai dit, je ne suis jamais celui qui donne les bonnes informations. Salut Jean Godin d'être sur le chat. Rar! Je suis peut-être déjà parti, il y a eu peur. Jeff, t'as rien vu de Bava? Oui, ben j'ai vu Black Sunday, Black Sabbath. J'ai vu son Danger Diabolique, mais à travers Mystery Science Theater. Ouais. J'ai vu. C'est ça, je pense. Pas mal ça. OK. Ben, on arrive déjà à la dernière journée. Ça ne veut pas dire que le podcast est sur le point de terminer. Mais c'est Michael Dougherty, peut-être. Mr. Trick or Treat. Monsieur qui a fait l'ultime classique d'Halloween. Ouais, c'est fou, hein. C'est encore quelque chose qu'on répète, mais il n'a pas encore été détrôné, je trouve. Je pense pas que ça va être possible. Ce film-là, chaque plan pue l'Halloween, mais c'est surtout que les quatre segments sont tous géniaux. Pour moi, il n'y en a aucun qui est moins bon que l'autre, puis j'aime le fil conducteur. La photographie de ce film-là, on dirait que chaque plan est rendu iconique de nos jours. Là. Tu pourrais faire une capture d'écran à chaque plan, puis c'est comme écœurant. Là. Tu vois, c'est pas pour rien que c'est notre image pour les 31 jours qu'on utilise vraiment souvent. Là. Le petit Damon Kid, je sais pas trop comment il l'appelle. Sam. Sam, ouais. Puis tu sais, c'est fou, là, le film a 11 ans. Là. Il n'y a pas eu de... Je sais pas jusqu'à quel point que le lore de ce film-là a été développé ailleurs en bande dessinée ou quoi que ce soit, ou en roman, je pense pas, ou en court-métrage, mais après 11 ans, on a eu un film, là, un film avec ces histoires-là, puis on en parle encore comme étant ce qui a marqué le plus le feeling de l'Halloween depuis tout ce temps-là. Puis le pays, il y a plus que 11 ans, vu qu'il a traîné des bagues de la Warner pendant un méchant bout parce qu'il voulait juste pas le sortir. Parce que, I guess qu'il aimait pas le film ou qu'il avait aucunement confiance, mais c'est comme, what the fuck? Rien donc, ça. Puis ben, il a essayé de nous réaliser en plus un classique de Noël avec Campus. Ça a moins marché. Avec le recul, j'apprécie plus Krampus que quand je l'ai vu à l'époque. Là. Moi, j'adore. C'est enfin un nouveau classique de Noël que je peux revisiter à chaque année. Puis, tu sais, oui, c'est différent de Trick or Treat. C'est un format plus linéaire. C'est une histoire. Fait que, peut-être que ça apporte moins de diversité, mais j'ai adoré tout ce qu'il y avait dans ce film. De l'imagerie, la famille, le mélange comédie-horreur, puis surtout l'espèce de palette de créatures variées à la fin. Il y a vraiment des méchants moments solides. Ouais. J'ai vraiment trippé. Mais si je me trompe pas, JF, toi, t'avais été un peu de cet avis-là. C'était toute la cassure entre Christmas Vacation et le film plus horreur. C'est-tu toi qui avais ça? Non, il avait aimé ça, me semble. Ouais, j'avais aimé ça. Mais je l'ai juste vu une fois, je l'ai vu au cinéma pour le podcast, puis je me rappelle pas. Ouais, je me souviens, c'est ça. Ben, en tout cas, moi, ça me semble que ça avait été ça, mon opinion. Que j'ai un souvenir positif de ce film-là. T'sais. Ouais. Dans mes souvenirs, dans l'épisode, c'était moi et Jeff qu'on en parlait bien. Ouais, c'est ça. Vicky et Seb n'avaient pas aimé ça. J'ai rien contre ce réalisateur-là. Trick or Treat, je l'ai vu deux fois, je pense. J'ai vu Fantasia, me semble. Ouais, j'ai vu Fantasia, puis je l'ai vu après ça pour le bras de fer des films. On a fait un épisode spécial là-dessus. Ouais, c'est vrai. Je ne l'ai jamais revu après ça, mais c'est pas. C'est un film que j'ai beaucoup aimé. Je veux juste pas me brûler en l'écoutant tous les années. Fait que... Non, c'est ça. Exact. Écoute, on attend avec impatience son Godzilla King of the Monsters. La bande-annonce est tellement bonne. C'est débile. Je pense que Je suis hypé. Je suis vraiment hypé. Oui. Écoute, on a vraiment, vraiment beaucoup espoir en ce film. Puis, je pense qu'avec ce qu'il a montré qu'il était capable de faire dans Krampus. Oui, je pense qu'il est capable. J'espère qu'il va réussir à nous faire des money shots un peu comme c'est qui avait ça. Mais dans le Godzilla, là, c'était Garrett Evans qui avait. Non, Garrett Edward. Garrett Edward qui avait réalisé Godzilla le premier. Mais dans la bande-annonce, t'as déjà plein de money shots. Fait que je m'inquiète pas là. Non, c'est ça. Genre quand tu vois King Ghidorah dans Brume, j'étais comme J'ai vraiment très, très hâte. Puis, ben, c'est ce qui complète. Hey, sérieux, c'est ce qui complète nos 31 jours d'horreur. Moi, ça a vraiment bien été, mes 31 jours d'horreur cette année. Je pense que c'est celui que j'ai été le plus assidu. Les autres années, il y avait des journées où j'avais pas été capable de rien écouter, mais cette année, j'ai été capable d'écouter à tous les jours quelque chose. Je pense que la série télé de Mike Flanagan a aidé. C'est comme facile de dire, j'écoute un épisode à soir. J'écoute ça compte. Ça compte. Mais c'est ça, je ne sais pas pour vous autres. Je sais que Vicky, Jeff, vous autres, ça a été... Mais non, Vicky, ça n'a pas été si mal, ça. Non, mais je pense que j'ai redécouvert beaucoup la compilation d'anthologie, moi. Tu sais, j'ai eu la série de Mike Flanagan, fait que oui, un épisode ici et là, mais j'en ai trouvé sur Shudder, j'en ai retrouvé d'autres sur Netflix. J'ai beaucoup redécouvert l'anthologie et le film à épisode. Tu sais, la première semaine, j'ai écouté l'anthologie de la fille de The Invitation. Fait que moi, ça a été beaucoup ça, le film court aussi. C'est quoi, j'ai écouté? J'ai écouté quelque chose qui était genre 1h10. Ah, oh, la femme à la fenêtre, là. Mais, The Witch in the Window. Ouais, mais c'est ça, c'est arrivé très souvent ce mois-ci. Anthologie, épisode, film court-métrage, c'est là-dedans que je suis allée, moi. Cool. Jeff, toi, ça a été... Ça a bien commencé la première semaine, puis après ça, ça a comme pris une débarque un peu pour différentes raisons, puis la vie de tous les jours, là, qui est comme ça la donne pas. Puis là, cette semaine, j'ai écouté la série de Frank Flanagan, fait que ça a compté un peu. Là, fait que, OK. Ouais. Et toi, Steven? Moi, c'est surtout que j'ai eu de la misère à suivre la liste, alors que j'avais vraiment envie d'en suivre un peu plus. Fait que j'ai écouté ici et là quelques films d'horreur, mais j'ai eu de la misère à en écouter vraiment un par jour. Ben là, c'est le moment où on y va avec un peu notre free-for-all de la semaine. Puis, je pense qu'on va tout de suite crever l'abcès parce que GF a écouté HHH. T'as-tu terminé, GF? T'as terminé? Mon Dieu! juste avant que t'en parles, Vicky, tu l'avais terminé, moi j'avais terminé, puis Steven, t'es rendu à l'épisode 5. Terminé 5 ou t'es rendu? Non, je suis rendu. OK. Fait qu'à la fin, ce qui se passe, c'est... non, à la fin, ce qui se passe, c'est un 16h. Pour ceux qui n'ont pas écouté l'épisode de la semaine passée, c'était un peu le running gag. Évidemment, on n'en reviendra pas avec une discussion de 45 minutes. Non, on va durer une heure. Mais on est curieux d'entendre Jeff en parler quand même. Ben oui, je l'ai fini. Puis ben, ça pourrait être long cette affaire-là. Mais je vais essayer de faire ça bref. Là. Mais on en a parlé sur notre discussion Messenger. Ouais. Puis ça me fait rire. Ça me fascine comment est-ce que vous. De voir votre réaction, toi, Sébastien, puis Steven, de voir votre réaction un peu offusquée ou embêtée, je sais pas comment le dire, mais tu sais, de voir qu'on compare ça à This Is Us, puis vous avez vu ça négatif dès le départ, tu sais, cette comparaison-là, mais vous ne l'avez jamais écouté, This Is Us, fait que vous ne savez pas, tu sais. Comme je vous ai dit, vous seriez peut-être les premiers à dire que ça y ressemble, puis que This Is Us, c'est bon, puis ci, puis ça, tu sais, je sais pas. Ah oui. Non, écoute, c'est aucunement, comme je l'ai dit dans notre discussion, je ne boude pas This Is Us, là. J'ai même vraiment hâte de l'écouter, là. C'est sur ma liste, mais... Mon année a été assez rough que j'ai pas le goût d'écouter des saisons par-dessus. Et mettons que j'ai mis de l'huile sur le feu un peu quand je vous ai écrit que le premier épisode de Haunting of Hill House m'a comme pas vraiment touché tant que ça. Là. Je trouvais que l'écriture c'était so-so, l'acting est bon, mais les personnages, j'accrochais pas tant aux personnages. Puis on commence direct avec avec des flashbacks du frère le plus vieux, puis c'est le personnage que je trouve tout au long des 10 épisodes, c'est le personnage que j'aime le moins, tu sais, fait que je suis comme, on commence tout avec le moins intéressant, fait que ça part mal, tu sais. Ouais. Après ça, on commence avec la moins intéressante. Après ça, c'est Shirley. Shirley, je l'aime pas non plus tant que ça, fait qu'on est comme, bon, les deux... En tout cas, rendu au troisième, les deux moins intéressants sont passés, fait que c'est comme, ok, c'est correct, tu sais. Puis le troisième m'a vraiment plus accroché parce qu'on est avec Théo, puis elle, c'est un de mes personnages préférés, tu sais. Puis c'est l'actrice Kate Segal, la femme du réalisateur, puis c'est l'actrice principale du film Hush, puis je l'adore, puis c'est ça. 40 dans cette série-là. Ah, vraiment, vraiment. Puis après ça, t'as... Plusieurs scènes qu'elle tient sur ses épaules. Là. Ah oui, c'est ça. Non, à partir du troisième, j'ai été plus intéressé. Je me rappelle que troisième, quatrième, là, je disais à ma blonde, je disais... Ok, là, j'ai hâte d'écouter les autres. Là. J'arrête pas d'y penser. Puis je me réveille le matin, j'y pense. Je me couche le soir, j'y pense encore. Je suis comme, ok, j'ai hâte d'écouter le reste. Là. Fait qu'à partir de 3-4, là, j'étais vraiment intéressé. Je sais que Steven adore le quatrième. Quatrième est bon. Je suis moins intéressé. Ben, je le trouve intéressant, le personnage de Luke, mais je suis comme. moins que Nelly puis moins que Théo, pour moi, en tout cas, personnellement. Là, mais je l'ai trouvé bon, son épisode aussi. Puis après, c'était l'épisode 5 qui est Nelly, qui est l'épisode de la Bentneck Lady. Après ça, t'as le sixième qui est comme le fameux épisode qui est avec plein de plans séquences. Ça reste, selon moi, le meilleur épisode de la série. Là. C'est l'épisode central, l'épisode charnière. Là. Tu regardes ça et tu fais « Calisse, c'est malade l'acting là-dedans. » Moi, j'ai regardé le côté technique, mais j'ai regardé surtout l'acting. J'étais comme « Asti, qu'ils ont dû pratiquer, c'est malade, ils ont dû répéter. » C'est débile. Il y a tellement d'émotions qui se confrontent, de trucs jouent. Il y a c'est des plans-séquences, mais c'est pas des plans-séquences qui sont difficiles nécessairement techniquement. C'est des plans-séquences qui sont difficiles pour les acteurs. Qu'il se passe tellement d'affaires, c'est ça, dans la vie des personnages à ce moment-là. Il se passe tellement de choses à ce moment-là en très peu de minutes. Puis c'est des émotions qui clashent, là, puis tout. Ah, c'est malade, c'est malade. Puis les plans-séquences ne sont pas des gimmicks dans cet épisode-là, j'ai trouvé. Non. Oui, il aurait pu ne pas être en plan-séquence, mais le plan-séquence, je trouve qu'il fait en sorte que cet épisode-là fait juste comme avancer puis jamais arrêter. Il y a de quoi là-dedans qui est vraiment trippant. Ah, puis ça rajoute de quoi, je sais pas trop quoi, je sais pas comment le dire. Là, peut-être une tension ou quelque chose, mais ça rajoute de quoi. Là, qu'il soit quand même capable de rajouter son horreur à travers son plan-séquence, ça aussi, c'est vraiment trippant. Mais je veux dire, comme Vicky a dit, Mike Flanagan, il fait la même maudite affaire comme on avait dit dans Gerald's Game. Il surexplique. Il souligne tout. Tu sais, pour être bien sûr que tu as tout bien compris, que tel flashback c'était ça, puis telle affaire c'était ça, puis mais j'ai compris, j'ai pas 5 ans, je suis pas niaiseux, tu sais, m'amener, arrête là. Ouais. Puis l'épisode des flashbacks de la mère sont nécessaires, faut que tu comprennes un peu son affaire, mais je me rendais compte à la fin de l'épisode, je pense que c'est le seul épisode que tu vois pas les enfants adultes, puis j'étais comme, je m'ennuie des enfants adultes. Là, puis... Ouais, moi, l'épisode commence, c'est comme, ah, ok, non, on les verra pas. Ouais. On les verra pas du tout. Ben, tu vois, moi, c'était beaucoup de Reddit, mais il y a un certain build-up dans cet épisode-là, parce que tu sais vers où est-ce qu'il s'en va, puis c'est ça qui me tenait là, dans cet épisode-là, tu sais. Ouais. Parce que tu comprends enfin qu'est-ce qui a pu se passer cette fameuse nuit. Ouais. Ouais, puis les deux derniers épisodes, c'est ça, c'est très, très émotionnel, c'est moins épeurant, mais dans l'ensemble, j'ai aimé ça. Je trouve que ça se termine au bon moment, parce qu'après, deux, trois autres épisodes, ça serait arrêté trop long. Déjà que des fois, il y a des grands bouts qui s'étirent pour rien, mais dans l'ensemble, c'est bon, c'est une très bonne série, je trouve. Et là, les gens qui... Puis c'est bon, j'ai vu une entrevue avec Mike Flanagan et ça confirme, là, les gens qui veulent une deuxième saison, oubliez ça, les Crane, on les revoit pas. Mike Flanagan a confirmé, il a dit, j'ai plus rien à dire sur cette famille-là. Ouais, mais ça veut pas dire qu'ils font pas une deuxième saison. Ouais, non, ça veut pas dire qu'ils font pas une deuxième saison, mais il dit qu'il se passera rien avec eux autres. Il dit, de toute façon, cette famille-là en a assez vécu de même. C'est un peu exagéré de leur en repitcher par-dessus. Fait que... Ça, c'est que, sûr. Si on va dans le passé de la maison, peut-être dans un certain futur, je sais pas. T'sais. Mais je pense, de la manière qu'il en parlait, je sentais pas l'intérêt de Mike Flanagan de faire une deuxième saison. Je pense que ça va être un intérêt très, très pécunier de la part de Netflix. Oui, c'est ça, c'est l'argent. C'est la popularité. Puis, Mike Flanagan, a-t-il déjà fait des suites à ses films? Non. Il a fait suite. Il a fait Ouija. Ouais, il a fait une suite, mais tu sais, il a quand même amélioré une série. Alors, je pense pas que Mike Flanagan va nécessairement. Si suite il y a, peut-être que ce sera même pas lui qui sera à la. T'es pas obligé de faire une saison 2 à quelque chose qui a fonctionné. Tu sais, fais juste donner un autre projet à Mike Flanagan puis laisse-les faire ce qu'il veut. C'est mais tu sais, la question. Netflix, c'est pas. C'est des créateurs, mais en même temps, c'est surtout. C'est comme n'importe quel business, c'est des hommes d'affaires, c'est des femmes d'affaires, c'est des gens qui veulent de l'argent, tu sais. Mais. Netflix, je sais pas, là, ils sont encore jeunes pour qu'on puisse avoir un portrait de ça. Sont-ils du genre à faire des suites inutiles? Il y a eu des séries de Marvel. Ils rachètent des séries, hein? Ils rachètent des séries pour les finir. Quoique des fois, c'est super intéressant, là, mais ils en rachètent pareil pour les finir. Mais aussi, ils achètent pour avoir le contenu de la série après ça en disponible, là, tu sais, pour être ceux-là qui vont avoir les reruns de la série, là, ce qui est toujours bon, là, j'imagine, pour les fans qui font comme « Ah, oh, enfin! » Je sais pas, moi... C'est quoi qu'il avait acheté Arrested Development, tu sais, que tout le monde fait comme enfin Arrested Development est à quelque part, tu sais. Bon, c'est pas nécessairement le but de la continuer, mais plus de dire on l'a. Il y a peut-être Orange is the New Black là, que les gens semblent dire que c'était le temps que ça finisse. Ouais. Et en tout cas, regarde, on verra, tu sais, le temps le dira, mais tu sais, ouais, moi je serais plus du genre aussi à dire et voici la nouvelle série de Mike Flanagan, créateur de HHH, ou mais... comme dirait Pascal Jacob, de Hell House on the Haunted Hill. C'est ça. Mais s'ils font une deuxième saison, puis si c'est encore lui, je vais la regarder, mais je sais pas où ça peut aller. T'sais. Non, c'est mais, ça. Je dois dire, t'sais, l'histoire du passé de la maison m'intéresse peu, mais l'histoire des deux employés de la maison, ça m'a arraché le cœur. Ça. Ah, t'as quelque chose. Ils ont des beaux moments là, dans la série. Ces deux acteurs-là sont merveilleux. C'est ça, comme tu dis, ils ont des beaux moments, puis leur histoire m'a arraché le cœur. Vraiment. Ah, vraiment. Mais c'est pas une série, comme on dit. Si vous lisez les critiques, vous allez voir, c'est This Is Us avec des fantômes et blablabla. C'est pas une série super épeurante. Dans mon opinion, à moi, c'est pas une série super épeurante non plus. Puis c'est pas ça le but, là, tu sais. J'ai vu, je voyais après-midi une affaire qui disait, c'était le site première.fr qui marquait en gros titre, la série de Haunting of Hill House est une métaphore cachée sur le deuil. Je comme, comment ça cachée? C'est ça dès le départ, c'est comme, c'est pas caché pantoute, c'est en pleine face, c'est comme le nez dans la pleine face, là, c'est comme, c'est super évident. Ah, okay. T'sais. Puis, tu sais, je vous disais, les dialogues, c'est so-so, c'est pas tout le temps... C'est pas la série la mieux écrite au monde, selon moi. C'est pas super brillant non plus. Puis c'est plein de métaphores, puis plein de belles phrases, puis tout. Mais c'est tout en surface, puis en évidence, là, mais ça reste intéressant. C'est émotionnellement touchant, puis tout. Mais c'est pas... ça fait super snob ce que je dis, mais, ou super hautain peut-être, mais c'est pas la série la plus brillante au monde, mais c'est intéressant. Puis ça... C'est le fun de chercher dans l'écran les fantômes. C'est le fun de chercher. Il y en a tellement. Ah, il y en a tellement. Tu finis l'épisode. J'ai regardé des vidéos. Tu vas voir sur Internet, soit les vidéos, mais moi, j'allais voir les sites qui les mettaient en photo. Puis tout. Puis je suis comme, ah, lui, je l'ai manqué. Ah, je l'ai manqué. Ah, tu sais. T'es tout content quand tu en as vu un. J'en ai vu 4 sur 15. Je sais pas trop combien il y en a. Ça n'arrête plus. Mais j'en ai vu 2 à un moment donné d'un épisode. Puis j'étais comme, j'en ai vu deux. Ben moi, c'est vraiment le casting de l'enfer. C'est tous des acteurs et actrices que j'aime. Il y en a plusieurs que j'aimais déjà d'avance. Puis je suis comme, waouh, c'est malade, là, le casting. Puis j'ai pas vu Ouija, le film de Mike Flanagan, mais ça va être intéressant de voir que dans Ouija, t'avais l'actrice qui fait Shirley dans cette série-là, qui était dans Ouija. Puis l'actrice qui faisait sa fille dans Ouija fait Shirley plus jeune dans la série. Ah ouais, OK. Ouais. Le plus weird, j'en ai-tu parlé au dernier épisode? Plus weird dans ce concomitance-là d'acteurs, c'est le couple de parents. La mère, elle joue Jesse dans Gerald's Game. Oui. Et le père joue son père dans Gerald's Game. C'est ça, et tout, c'est vrai. Puis c'est ça, comme je vous ai dit en privé, moi, je capote bien de voir seulement Henry Thomas qui joue le père. Henry Thomas, c'était, pour ceux qui veulent le situer, c'est Elliot dans E.T. Le petit Elliot. Sa version plus vieille, c'est Timothy Hutton. Puis je suis comme, en le voyant, je suis comme, mais c'est vrai, il se ressemble tellement dans le fond. Tu sais, j'ai fait, my God, c'est un casting de génie, tu sais, ces deux gars-là. Tu sais. Ouais. Pourtant, j'ai vu Timothy Hutton dans plein de films, dans La part des ténèbres de George Romero, dans toutes sortes de films. Puis c'est comme, mais c'est vrai qu'il ressemble à Henry Thomas, c'est fou. Vraiment. Puis j'imagine que t'y connais pas ou quoi que ce soit, puis tu l'acceptes totalement que ces deux, c'est le même personnage, le 25 ans. Vraiment. Tu t'attends à ce que plus vieux, il ait juste vieilli Henry Thomas, mais non, tu sais. Oui, souvent, c'est ça. Il est assez adulte pour ça, tu sais. Puis dans vraie vie, ils ont juste une dizaine d'années de différence. Fait que c'est comme, il est assez adulte pour ça, tu peux le vieillir, c'est bien des cheveux blancs. Puis, mais non, il a été chercher un autre acteur, tu sais. Puis c'est comme, mais ça marche à fond. OK, bon, ben, cool. Avez-vous autre chose que vous avez détourné cette semaine, que vous avez écouté cette semaine? Moi, hier, j'ai regardé le premier épisode de Sabrina, mais je m'endormais beaucoup. Fait que je peux pas vraiment en parler très objectivement. Juste dire que ça a l'air... T'sais, la bande-annonce me l'avait super vendue, puis j'aime l'actrice principale parce qu'elle joue dans Mad Men depuis le début, fait que je l'ai vu grandir sous nos yeux, on l'a vu grandir, cette jeune actrice-là, mais... Honnêtement, j'avais beaucoup d'attentes pour Sabrina, puis je l'ai trouvé un petit peu long puis plate l'épisode, mais je dois dire qu'on était très endormis, moi et ma blonde hier, quand on l'a commencé, puis elle s'est endormie en plein milieu. Moi, j'ai réussi à le toffer de peine et de misère, mais j'ai vu d'autres commentaires en ligne qui disaient que c'était so-so le premier épisode, fait que je suis comme, c'est peut-être pas juste moi non plus, là, qui... peut-être pas juste parce que je m'endormais, mais je serais curieux de voir le reste quand même, là, ça m'a donné le goût de voir le reste. J'allais dire, les réactions sur le net sont bonnes, je pense. Ouais, elles sont assez bonnes. Mm-hmm. Ouais. Vicky, oui? J'ai écouté quelque chose cette semaine pour nous. Plein de choses, en fait, mais je trouvais que l'épisode de la semaine dernière, on l'a beaucoup à l'ordi en faisant tout ce qu'on a vu, puis pour vrai, j'ai écouté plein de choses, donc je pense que je vais juste pas alourdir l'épisode, puis une fois, je ferai un spécial, au pire, seul ou avec quelqu'un sur Dario Argento, entre autres, que je suis vraiment en train d'explorer sa filmo, quelque chose comme ça. Ça va être plus intéressant que juste pitcher ce que j'ai vu, non, là. Mais tu peux en parler d'un. Choisis-en un. Ben juste avant le podcast, j'ai vu un film sur Netflix qui est espagnol. Je l'ai écouté en espagnol. Là. Le gardien. Attends un petit peu là, je veux juste être ça. J'ai le bon nom. Puis comme de fait, Netflix me donne pas tout de suite mon reprendre avec le dernier que j'ai vu. Le gardien de je sais plus quoi. Je vous enverrai le lien. Je suis désolée. Film espagnol. Ça faisait longtemps qu'il était dans ma liste Netflix. Et j'ai vraiment beaucoup apprécié, je sais, je suis désolée, je le trouve vraiment pas dans mes derniers écoutés. Ils m'ont plein d'enfants, mais pas celui-là. OK. Puis je vais juste, je sais que c'est poche de vous faire attendre, là, mais je vais essayer de le mettre Guardian de même. Ben non, ils me donnent juste les Guardians de la galaxie. Et vas-y, j'essaierai de trouver. The Invisible Guardian. Bon. C'est vraiment le fun. Le film, en fait, c'est une fille qui doit retourner dans son village natal pour enquêter sur une série de crimes sur des femmes. On pourrait croire que c'est du déjà vu, mais j'ai vraiment apprécié peut-être un peu l'ambiance espagnole, quoi que ce soit, mais vu que ce genre-là est tout rendu en série télé aujourd'hui, on aurait dit que j'ai vu toutes les fois où dans une série télé, on aurait coupé ça pour le ramener en plus long puis plus de suspense. Mais que là, finalement, ben c'est un film, on a 2 heures, fait qu'on va t'emmener là tout de suite. Fait que j'ai trouvé que, je sais pas, dans mes mots, des séries télé avec des meurtres de femmes, ils doivent en avoir plein, mais là, au lieu de faire comme, tu sais, il y a à peu près 5 meurtres dans le film, là. Mais au lieu de faire un épisode, un meurtre, on trouve, on enquête, on suspecte, on va plus loin, ta-ta-ta, tout est vraiment rapide. Fait que c'est un film de quoi, je l'ai encore ici, là, de 2 heures, et on va vraiment direct au sujet. Puis j'ai vraiment beaucoup aimé ça. Puis le titre, Le gardien de l'invisible, là, je ne sais pas c'est quoi en espagnol ni en anglais, le titre amène à penser que le film, en fait, joue entre l'univers fantastique et le vrai meurtrier. Est-ce que vraiment il y a des fantômes? Y a-tu un gardien? Y a-tu quelque chose qui protège la forêt, qui tue les jeunes femmes? Un espèce de Bigfoot? Ou c'est un humain qui tue les femmes. Puis on dirait qu'on le sait que c'est un humain, mais il y a quand même ce doute-là qui va persister. Tu sais, l'espèce de mythe et légende, tu sais, à la fin, on a la résolution du mystère à la fin, mais le mythe et la légende poursuit, tu sais, reste là. Fait que j'ai vraiment beaucoup, beaucoup apprécié, puis je vous le dirais de l'écouter en langue originale avec sous-titres, on en parlait tantôt, là. Langue originale avec sous-titres parce que il y a eu un bout où je faisais autre chose, je les switchais en français, et je voyais que c'était pas tout à fait ce qui devait être dit. Je trouvais qu'il n'y avait pas de concordance avec le reste du film que j'avais écouté en espagnol. Je l'ai re-switché en espagnol, et là, ça marchait plus. Puis là, je vous dis pas, je comprends l'espagnol, mais la phrase est plus longue. Tu sais, l'effet de répétition. L'effet de répétition. Mais c'est vrai, moi, je suis quelqu'un, quand j'écris, quand je fais un post Facebook, j'utilise beaucoup, moi, cet effet-là de répétition, de dire « Non, ce n'était pas lui. Non, ce n'était pas lui non plus. » Tu comprends? Puis, on l'enlève, ça, dans la traduction. On enlève beaucoup ce bout-là, puis je trouve ça dommage. Donc, ce n'est un que Netflix, langue originale, je vous le conseille. C'est un bon film de meurtre qui mélange fantasy et réalité. Cool. Steven? Voilà. Ouais, ben j'ai essayé un peu à la vedlette sur Prime Video, la série de Purge, parce que j'étais curieux, puis c'était surtout que c'était une des séries que je pouvais écouter tout seul sans ma copine, parce que j'avais aucune idée si c'était réellement bon ou pas. Et Tu sais, c'est pas parce que je suis un fan des films en tant que tel, je trouve que ce sont des films. C'est des films. C'est relativement. Moi, je reviens pas sur le sujet du fait que ça l'utilise mal sur ton concept, qu'on pourrait faire des trucs super élaborés, super intelligents, critiques sociales, blablabla. Tu sais, le réalisateur, c'est le scénariste, c'est pas ça qu'il veut faire. Il veut juste vraiment faire du cinéma, de divertissement, puis utiliser le thème de la purge juste pour faire un trailer d'horreur. Mon problème avec ça, c'est que le gars, il est pas super bon derrière la caméra. Je trouve sa mise en scène vraiment plate, j'aime pas ses personnages, j'aime pas son écriture, fait que c'est pour ça que pour moi ce sont pas vraiment des bons films tout court et pas des bons divertissements en tant que tel. J'ai pas vu le dernier, c'est un autre réalisateur qui est derrière la caméra, puis apparemment que c'est un peu mieux. Et là j'étais curieux de voir la série, qu'est-ce que ça donnait, et je préfère largement la série jusqu'à présent. Si les deux premiers épisodes m'avaient pas vraiment convaincu, je trouvais ça un petit peu cheesy. Tu vois que c'est pas une série qui a beaucoup de budget. Mais tu sais, ça va avec 4-5 intrigues de personnages différents qui vont se dérouler durant la purge, puis tu vas suivre ces personnages-là. Évidemment, c'est des intrigues inégales. Il y en a une que j'aime vraiment pas, ou que tu suis juste un couple qui vont chez les pères fondateurs. C'est eux qui ont créé la purge, puis là tu vas voir un peu eux qui veulent s'incruster là-dedans pour avoir du financement pour partir leur projet pour aider des gens pauvres ou des victimes, tu sais, utiliser l'argent qui sert de la purge pour tuer des gens, en fait pour l'utiliser pour une bonne cause. Fait, tu sais, je trouvais ça intéressant au début, mais tu fais juste suivre un triangle amoureux par rapport à ce couple-là tout le long, j'étais comme ok, c'est pas intéressant. Les autres sont beaucoup plus intéressants. Tu vas suivre un frère qui essaie de retrouver sa sœur durant la purge, qui a disparu avec une espèce de secte, qui est, le gourou est joué par la fille de Brad Dourif, Fiona Dourif, puis eux, ce qu'ils font, c'est qu'ils envoient de leurs disciples mourir durant la purge parce que c'est des sacrifices pour une bonne cause, C'est cliché, mais je trouvais ça intéressant, j'aimais les personnages. Puis le meilleur, je te dirais, sujet, c'est une fille qui travaille dans un bureau, elle est comme haut placée, puis le chef qui est joué par Alec Baldwin, c'est son boss. Elle attend tout le temps une promotion, mais ça n'arrive jamais, mais elle se donne tout le temps corps et âme pour ça. Puis il a fait travailler durant le soir de la purge dans l'immeuble, puis évidemment l'immeuble est sécurisé pareil pour qu'il puisse le faire. Puis elle a l'idée d'engager quelqu'un durant la purge pour aller le tuer. Mais elle est tout le temps là en train de faire la morale aux autres avec les principes et tout ça. Puis là, tu vois un peu les effets de la conscience de vouloir utiliser la purge à son avantage. Puis vu que c'est une série, tu as le temps d'aller plus en profondeur avec ces personnages-là. Fait que je trouve là, déjà là, la série va plus loin dans l'éthique que propose le concept. Justement, il y a une autre bonne idée dans la série. Tu as un groupe de filles qui se promènent en camionnette. Puis c'est des filles qui, eux, durant la nuit de purge, sont là pour aider les femmes qui sont victimes de viols, victimes de violences des hommes. Fait que eux, dès qu'elles reçoivent des appels, ils vont aider les femmes. Fait que tu sais, ça, je trouvais que c'était un concept vraiment original parce que justement, les hommes profitent de la purge pour encore plus faire leur service dégueulasse envers les femmes. Puis tu sais, la série a des petites idées comme ça vraiment intéressantes. C'est juste que faut pas vous attendre à quelque chose de brillant ou poussé. Ça reste du divertissement de base. C'est juste que la série a plus de bonnes idées que les films. Puis la réalisation est un petit peu plus compétente. Fait que c'est bien à date. J'aime ça. Excellent. Ben écoute, ça donne le goût parce que j'étais pas sûr non plus. moi, j'ai écouté quelques petits trucs. Je vais vraiment vous faire un petit survol rapide. Je sais que Steven a hâte de m'entendre parler de Unfriended Dark Web. C'est le deuxième Unfriended. J'avais aimé correct le premier, qui était ce film qui se passe sur Skype, en tout cas sur une fenêtre d'ordinateur sur Skype où tu as des jeunes qui sont en train de chatter, mais il y a comme quelqu'un de plus sur Skype qui se rajoute et c'est une fille qui serait morte. Suicider une de leurs amies, puis là, on sait qu'elle aurait peut-être eu du chantage à cause d'une vidéo qui se serait promenée d'elle nue sur Internet, ou je ne sais plus trop clair c'est quoi la vidéo, je me souviens plus. Puis ben cette entité-là faisait en sorte que chacune des personnes crevait une par une, puis c'était comme « Ah, cool, c'est original! » Fait que là, tu te dis « Unfriended 2, why not? » Et là, c'est Dark Web, alors c'est Unfriended dans le Deep Web, dans le côté sombre des Internets, et raconte encore l'histoire d'une gang de jeunes qui se retrouvent sur Skype pour une nuit de jeu et qui vont pas se faire nécessairement tuer un après l'autre, mais ce qui arrive, c'est que ils se rendent compte que le personnage principal a volé un ordinateur, a pris un ordinateur qui lui appartenait pas, et sur cet ordinateur-là, il y a En tout cas, cet ordinateur-là appartient clairement à un hacker du Deep Web et il trouve des choses pas catholiques sur cet ordinateur-là. Beaucoup trop d'argent en Bitcoin, des vidéos louches, et ben ça va les amener dans une spirale de danger, mettons. L'idée pas mauvaise à la base. Oui, ben c'est parce que tu fais, OK, on laisse les esprits, on tombe dans le Deep Web. Mais là, quand tu tombes dans le monde des hackers... Le cinéma et le monde des hackers ne font jamais bon ménage. Et dès que tu connais un petit peu l'informatique, ben il y a des affaires qui font pas de sens. Ce film-là n'est pas étranger à tout ça. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses qui font pas de sens. Le reveal de la fin fait en sorte qu'il y a certaines choses que tu fais comme ça n'a pas de sens finissent par faire du sens. Mais en tout cas, encore là, c'est pas sur la coche. Entre autres, ça je pense que c'est le pire, là. Tout le monde qui l'ont vu, je peux pas croire que quelqu'un pense que c'est vrai, là. Mais à toutes les fois qu'on voit un hacker à l'écran ou qu'un hacker s'approche de l'écran, écoute, l'écran se blur puis ça devient comme des petits carrés, comme quand ton internet pogne mal ou que t'as ce genre de statique. Merci Steven. Et là, on voit jamais les pirates qui sont là à l'écran, tu sais. Parce que évidemment, quand quelqu'un se fait tuer, c'est par un de ces fameux pirates-là. Et ben c'est ça. Fait que là, tu fais comme, OK, je connais personne qui est capable de porter quelque chose qui va faire en sorte qu'il va avoir du statique quand il va passer devant une webcam. Fait que tu sais, c'est ça. Le film essaye d'être réaliste, mais il l'est pas. Puis les personnages sont stupides, sont pas attachants, prennent des décisions de plus en plus épaisses. C'est d'un ridicule épouvantable. Alors, si vous avez vu le premier Unfriended, tenez-vous-en à ça. J'en parlerai pas plus. sinon, je pense que c'est dans la première semaine que Jean-François nous avait parlé de Ghost Watch, le documentaire de la BBC. Mais là, Jean-François vient de disparaître. Ouais. Fait que je vais attendre. Je veux quand même. Je vais attendre qu'il soit là. Sinon, j'ai écouté le nouveau slasher sur Netflix, Terrifier, ne pas mélanger avec Terrified qui est sur Shudder. Terrifier qui est vraiment un classique tout de suite plus standard. C'est un clown qui décide de tuer des jeunes filles. Il y a eu quand même un genre de buzz autour de Terrifier. Tu l'as vu, Vicky, hein? Oui, moi j'ai adoré. Je n'étais pas d'accord avec Steven. Il y a un buzz autour, c'est ça, on a parlé pas mal. Il y a un buzz autour de ce film-là, autour de Art the Clown, qui est comme le personnage principal, qui a vraiment un visuel écœurant. Et l'acteur qui joue est écœurant. Moi, j'ai quelque chose pour tout ce qui est l'art clownesque, autant au cinéma que sur scène. Je vous épargne les détails, mais quand j'étais en théâtre à l'université, j'ai suivi des cours de clown et c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup, beaucoup, beaucoup. J'ai même voulu, à un certain moment, j'ai passé des auditions pour être clown. Alors, c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup, c'était pour être de clown dans les hôpitaux. Et j'ai été à deux cheveux de l'avoir. maudit sois-tu, Patrick Simard, de l'avoir eu à ma place. Non, sérieux. Puis, Jeff est disparu, mais il commande sur. Il est sûrement aux toilettes avec son cellulaire. Il doit être aux toilettes avec son cellulaire. Mais non, c'est ça. Donc, tout ça pour dire Terrifier. regarde, on va le dire, là. Jeff, il est sur la toilette en train de nous écouter. Et avec le délai, il est en train de s'essuyer, là. Là, c'est ça. Ouais, c'est ça. Pendant qu'on en parle, il s'en vient tranquillement. Mais donc, c'est ça. La première demi-heure est débile de Terrifier, de tout ce qui se passe dans le diner, le clown est mystérieux, son sac, qu'est-ce qu'il traîne dans son sac, c'est quoi son estiche de but avec ces filles-là, il est nargue, tout ça. Puis après ça, on tombe dans un building où tout le monde est comme un peu enfermé là-dedans et Art the Clown se met à les poursuivre un après l'autre. Et ben c'est là que le film a perdu l'intérêt pour moi aussi. J'ai trouvé que le building était un peu n'importe quoi. Il y a des gens qui réussissent à sortir du building, mais décident d'y rentrer. Puis j'étais comme, pourquoi? Je pense que Art the Clown aurait pu mourir 4 fois, mais les gens étaient trop stupides pour le tuer. Mais les kills étaient cool. Il y a une scène excessivement gore d'une fille attachée que t'es comme tabarnak. C'est un rip-off plan pour plan d'un autre meurtre dans un film, ça me fait chier ça par contre. OK, bon regarde, tu vois, moi je connais pas. Alors, non plus, ça me dit rien. Ouais, tu vois, regarde, c'est sûr que en étant moins On était moins familier peut-être avec les slashers. Pour nous autres, ça avait un autre effet. Puis, je veux pas le voler de punch pour ceux qui voudront l'écouter, mais Art the Clown triche dans le film à un moment donné. Et à ce moment-là, j'ai comme fait mon tabarnak, t'as pas le droit de tricher. Et ben ça tout, à partir de ce moment-là, j'ai fait comme bon, ce qu'ils sont fait, là, c'est juste débile, ils vont tout y passer. c'est une belle surprise quand ils décident de tricher. Oui, mais quand ils dansent. Hein? Ah, déguisé en fille, là. Ah, c'est débile, c'était débile. Ma blonde est arrivée sur le moment. Elle avait une soirée, elle fait qu'est-ce que t'écoutes, elle s'assoit, puis elle voit Art the Clown tout nu avec le chest de la fille qui danse avec une perruque. Elle était comme, qu'est-ce que t'écoutes? c'est un peu creepy. Ça doit être fucké arriver à ce moment-là, parce que je trouve que c'est un build-up jusque-là, moi. Oui, c'est ça. Mais non, c'est... Mais c'est ça, tu sais, c'est pas un mauvais film. Mais Colin, je voulais que ce soit. En tout cas. Ça m'a donné envie d'écouter le court-métrage, pas le court-métrage, mais l'anthologie. Es-tu encore sur. Et sur Tubi. Et sur Tubi, es-tu encore sur. L'anthologie? Ouais. Art the Clown vient d'une anthologie, puis tu comprends la fin quand tu as écouté l'anthologie. Ah, cool. Ben, écoute, OK, je vais y jeter un œil. L'as-tu vu, Steven? L'anthologie, non, je ne l'ai pas vu. Non, OK. Bon, ben, écoute, ce sera à écouter. Ça m'intrigue. Ben, moi, c'est sûr que je vais l'écouter. J'écoute les anthologies en plus. En plus, oui. Puis vous en reparler. Mais de toute façon, moi, après l'épisode, c'est le genre de truc juste bien, là. Une petite demi-heure, 40 minutes, là, pour... Oui, c'est ça. Puis, ben, Jeff... Moi, j'ai trouvé des vidéos pour après le show, là, parce que je vais vous en faire de... Jeff vient s'asseoir. Ah ouais. Ben oui. Non, je sais, on le sait qu'il est là, en fait. On entend juste toi. Mais, je suis là. Ce que je sais, c'est que quand vous avez dit qu'il y a des vidéos qui montrent tous les fantômes, je dis, je vais aller m'en trouver un pour après l'épisode. Mm-hmm. Puis juste un petit PS là, pour vous dire qu'il y a une vidéo sur YouTube de Haunting of Hill House Ending Explain. Ouais, je l'ai vu. Je l'ai vu passer. J'étais comme... Ben, j'avais justement besoin de ça. J'ai rien compris. Non, mais ça, il y en a que ça, c'est juste... je pense qu'ils font ça avec tous les films, peu importe. Il y en avait un sur Hereditary, puis d'autres films que ça explique à la fin, t'as pas besoin de... Ben, c'est clair. Hereditary, c'est correct, là, mais t'sais, veux-tu m'expliquer Space Jam, la fin de Space Jam? Je suis tout mêlé! Je comprends pas la fin de... OK, Michael Jordan avait mangé un assis coup sur la tête en écoutant les Looney Tunes dans sa tête. C'est comme ce film-là, la fin expliquée, pour vrai. OK. Mais toi, tu dis que c'est un channel qui fait que ça? Ah, ben il y a des channels qui font ça. Il y a du monde sur YouTube qui ne font que des vidéos. Parce que tu sais, t'as ceux qui ne font que des critiques, il y en a qui ne font que des parodies, puis il y en a qui ne font que des explain ou des whatever, quoi. Mais tant qu'ils font ça sur un film qui est en train de faire le buzz. Tu sais, il y en a un qui l'a fait récemment sur le dernier Halloween. Là. The Ending Explains, je suis comme, OK, fuck off. T'as pas besoin d'être ça. Ben, c'est ça, Jeff, je t'attendais, mais je ne veux pas en parler trop longtemps là, parce que tu en avais parlé beaucoup. Mais Ghostwatch, je l'ai écouté, j'ai écouté hier, non, avant-hier. Et la BBC a des couilles. Là. Elle a des couilles de réussir. Je ne sais pas qui est arrivé autour de la table avec le projet de Ghostwatch. Puis qu'ils ont fait comme OK, cool, on embarque, mais qu'ils sont allés jusqu'au bout de cette idée-là, de cette façon-là, c'est génial. C'est génial. Alors, pour ceux qui ne s'en rappellent pas, c'est quoi Ghostwatch? C'est un mockumentaire. Je ne sais pas comment appeler ça, c'est même pas un documentaire. C'est une fausse émission live d'une équipe de chasseurs de fantômes qui s'en va d'une maison supposément hantée. Mais c'est genre, ça se passe à la BBC, dans les studios de la BBC. Les journalistes qui s'en vont là sont avec les trucks de la BBC. Tout a vraiment... C'est à plusieurs niveaux, fait... hein? T'as la personne qui est au téléphone, t'as ça. Oui, ils prennent des coups de téléphone, des appels téléphoniques. T'as l'experte qui est en studio, t'as la femme qui est en maison là-bas, t'as le gars qui prend les réactions de la foule dehors. Oui, tu sais, il y a tout... Pis c'est tout le vrai monde d'autres de la BBC de l'époque. Là. C'est tout, les gens qui écoutaient ça à ce moment-là, c'est comme s'il y avait Bernard de Rome qui animait à Radio-Canada. Là. C'est tout du vrai monde qui était là à la TV. C'est pas des acteurs. Mais non. Fait que, tu sais, Le réalisme est incroyable. Le réalisme de tout ça est incroyable. Je comprends le monde d'avoir faux buzzé. C'était débile. Le film a un excellent crescendo, un bon mystère, c'est le fun. À cette heure, avec le recul, tu sais. Le fantôme à quel moment, là? Ben, à plein de moments. J'ai vu à quelques moments, là. Oui. Mais à un moment donné, j'ai comme arrêté de la regarder trop. Puis, tu sais, tout ça, j'étais comme juste dedans. Puis, tu sais, mais oui, c'est vrai qu'il y avait comme un. Sur Internet. Ce que je disais autrefois, quand on a parlé, je me rappelle plus exactement des chiffres, mais je pense qu'il y en a 8 ou 9 apparitions qui ont été répertoriées. Puis la réalisatrice a dit qu'il y en avait 13 en tout. Puis ça veut dire qu'il y en aurait 5-6 que le monde n'aurait pas encore vu. Là. Il y en a qui passent très vite. Oui. Oui, puis et c'est ça. Puis il y a de quoi à la fin. Je veux pas spoiler la fin parce que il y a de quoi de le fun. Juste avant que le shit hits the fan à la fin, là, ils vont comme over the top un peu trop à la fin, mais je pense que c'est comme c'est correct, c'est normal. Il faut comme qu'ils cassent le réalisme un peu. Là, t'sais, à la fin, tu fais comme ok, non, c'est trop rendu loin. Là, ça se peut plus. Là, ça a juste pas de sens. Mais juste avant ce moment-là, là, juste avant, t'es comme, hé, hey, Christy, qu'on est dans une finale de Projet Blair. Hein. Oui. On est dans une finale de Projet Blair mélangée avec une finale de Wreck, puis t'es comme, est-ce que c'est parfait? Puis là, c'est le précurseur de tout ça. Là. Ouais. Mais c'est ça, ça va juste un petit peu trop loin pour que tu fasses comme, ok, là, c'est le suspension of belief marche plus. Mais c'est fun, des fois, t'es en train d'écouter l'émission, puis là, t'as des gens qui appellent à l'émission, ils disent, ouais, vous avez montré une séquence tantôt, puis je pense que j'ai vu quelque chose dans ces images-là. Puis là, t'as les amateurs qui disent, ok, c'est bon, on va reculer le tape, voir, puis là, ils regardent, puis c'est vrai, on a vu quelque chose. Oh, ouais, c'est ça. Tu sais, puis c'est vraiment réaliste. C'est grand. Ben, l'équipe va regarder ça, s'ils trouvent quelque chose, on en reparle, puis là, tu sais, ils continuent, puis là, maintenant, c'est ça, on aurait les images, puis effectivement, il y aurait quelque chose de caché dans le coin, puis là, t'es comme, c'est débile. Puis, ben, l'autre qui appelle, puis fait comme, ouais, vous dites qu'il n'y a jamais eu de meurtre dans cette maison-là, ou quoi que ce soit, mais moi, j'étais dans les coins dans cette époque-là, puis vous n'avez jamais entendu parler de l'histoire de. T'es comme, mais non, c'est vraiment un auditeur qui appelle. Ah non, c'est ça, coche, c'est ça, coche. Ah, vraiment. C'est sur Netflix? C'est sur Shudder. Okay. Ouais, oui. Okay, ouais. La pochette, c'est le truc le plus laid que vous allez voir. Là. Vous n'aurez jamais l'impression que ça c'est un poster de trucs de télé, vraiment. Oui, oui. Mais écoute, c'était. Tu t'en parlais en bien, Jeff, j'avais le goût de le voir. C'est encore efficace en 2018. Ah, oui. Vraiment. Moi, c'est la grosse découverte à date de ce mois de l'horreur. C'est vraiment. Je veux juste y repenser, puis j'aurais le goût de le réécouter tout de suite. Là. J'ai adoré ça. J'ai adoré cette affaire. Vraiment. Ben écoute, là, c'est ça, j'ai essayé de faire un survol rapide et c'est pas mal le tout. Non. Hein? Pas parler de Revenge? Ben Revenge, je veux pas y revenir trop là, parce que justement, en plus, ça m'en fait beaucoup, là, mais j'ai écouté Revenge, ce nouveau Rape and Revenge, plus féministe selon certains. Et effectivement, c'est débile. Ce film-là est complètement malade. Son visuel est écœurant. Il y a de quoi dans ses enchaînements de scènes au début. Au début, le film a un style malade. Ben, je dis au début, mais tout le long, ce film-là m'a jeté à terre par sa réalisation qui est sans faille. Là. J'en revenais pas. Elle joue sur les codes de couleurs, elle joue sur des trucs, des sons, des fois. A réussi à suggérer sa scène de viol puis de la faire quasiment plus écœurante que bien des scènes de viol, juste il montre un aspect plus grave qu'on voit pas souvent dans les films de viol, je trouve. Puis ça, j'étais comme, ça a bien plus d'impact que si tu montres une crise de viol. Là. Ben oui, tu sais, la fille, on la voit à peine nue, tu sais. Puis toute la scène qui vient avant la scène de viol est crissement angoissante puis crissement malaisante. C'est débile. Puis c'est drôle parce que moi, j'avais comme une certaine appréhension par rapport à cette scène de viol-là. Puis finalement, tu sais, quand elle arrive, j'ai fait comme, OK, c'est vraiment pas ça que je pensais qu'elle allait se passer. Fait que tu te demandes comment qu'elle va en venir à être obligée de se venger des 3 gars. C'est ça que je me demandais. Et là, écoute, chacun a sa part à jouer là-dedans et sa complicité à jouer là-dedans. C'est ça qui, je pense que c'est ça qui est encore pire. Là. C'est la complicité du viol que les autres ont là-dedans qui... qui est vraiment malsaine. Puis, ben oui, ça joue dans l'imagerie, puis c'est beaucoup dans l'imagerie à certains moments, puis faut laisser de côté le réalisme là, quand elle a réussi à s'en sortir. Parce que oui, ça fait très, très, très Rambo, etc. Mais, c'est très film d'action. Puis, la réalisatrice, elle l'a dit, c'est ça, oui. C'est ça qu'elle voulait. Ça fait très film d'action, mais ça marche. Puis écoute, là, la dernière scène dans la maison, il y a une poursuite, là, c'est animal comme poursuite. Ah, vraiment? Il y en a un dans rien qui court après, il est tout nu, plein de sang, puis il fait juste pousser des cris de... C'est comme, tu sais, qu'elle se fait courir après par un monstre. C'est débile. Il y a une séquence avec un morceau de verre qui va vous faire graisser des dents. C'est intense. C'est débile. Ah, oh, la vengeance là-dedans est vraiment sur la coche. non, c'est ça. C'est sur Shudder aussi. C'est un peu bizarre parce que c'est un film français, fait que quand les gens parlent en français, c'est sous-titré en anglais, puis quand ils parlent en anglais, ça l'est pas. Fait que c'est comme. Mais non, c'est vraiment bon. Ceux qui aiment pas les Rape and Revenge, parce que des fois c'est un peu. C'est misogyne comme genre. Aucunement sur celui-là. Moi, je l'écoutais avec ma blonde. Ma blonde, quand j'y ai dit ça va être un Rape and Revenge, j'étais comme, ah ouais, je sais pas. En tout cas, regarde, donc, je commencerai puis je verrai. Puis souvent, quand je commence des films puis elle n'est pas sûre, elle a son coloriage, elle a son. Peu importe, elle a un livre, whatever, à coups, à peinture. Puis là, à un moment donné, elle a comme fait, ok, c'est beau, là, je vais fermer la lumière, je laisse tout ça là. Puis elle fait, il faut que j'écoute ce film-là. C'est trop malade. Fait que. Non, c'est vraiment ça aussi. Tu sais, le hype était là, puis ça l'a dépassé le hype. OK, nice. Ouais, ouais, ouais, vraiment. Je veux revoir ce film-là. Nice! Ouais. Puis, je vais dire quelque chose de niaiseux, là, mais si vous êtes allé à la SQDC, c'est l'excellent film pour ça. il y a des trucs que t'es comme ok fuck, c'était assez faux posant, merci. Mais c'est parce qu'il y a un travail du son, il y a un travail d'image, il y a un travail des couleurs, il y a un travail de montage, il y a excessivement de trucs dans ce film-là. Le film est très très riche pour une histoire qui aurait pu être hyper simple, puis qui aurait été vraiment, que ça aurait été un film qui aurait passé dans le bas, ça avait été un autre réalisateur ou une autre réalisatrice. Non, c'est ça, la forme prend le dessus avec sa caméra, elle fait beaucoup de choses. Vraiment. Puis c'est tout. Ben, c'est tout pour moi. Je sais pas pour vous autres. On en a dit beaucoup. Ben, tu sais, comme je t'ai dit, moi, j'en ai vu plein, mais je ferai autre chose à un moment donné. C'est good. Ben, hey, merci tout le monde de nous avoir suivis pendant ces 31 jours d'horreur. Mine de rien, c'est un marathon qui est long, qui est pas rough, mais je me trompe qu'il y a certains soirs qui sont moins évidents que d'autres. C'est pas fini pour nous autres qui l'enregistre dimanche, il reste 3 jours. JF est en train de mourir ou il est en train de prendre sa vraie forme de vampire. Les crocs commencent à pousser tranquillement. C'est vrai que t'enlèves tes lunettes pour faire cet effet-là, ça irait mieux, là, parce que je sais que t'as un maquillage en plus pour les yeux, là, tu sais. Ouais, mais c'est un maquillage plein d'erreurs, j'ai comme laissé des erreurs, là. C'est vraiment un maquillage de paresseux. Correct. C'est on dirait un maquillage d'un film d'horreur de Jean Rodin. mon Dieu, ça fait penser à Jean Carnival of Souls. C'est vrai. Oh boy! C'est chiant de dire ça? Non, le maquillage de Jeff est parfait. Ouais. je pense que ça va être la fin de cet épisode. Puis je vous laisse avec on va se laisser en musique avec la suggestion la plus saugrenue de Guillaume Couture que j'ai faite comme oh my god, je peux pas croire qu'il a suggéré ça. Mais juste à cause de ça, je veux qu'on finisse avec ça. Et c'est le Columbarium. Pierre Lapointe. Pierre Lapointe, merci. J'ai qu'en fait, voyons voir que je peux, j'ai oublié. Alors, le Columbarium de Pierre Lapointe, on finit ça sur une note joyeuse. Et parlant de joyeux, passe une joyeuse semaine, Steven. Passe une joyeuse semaine, Sébastien. Passe une joyeuse semaine, Vicky. Ah, toi aussi. Ah, merci. Passe une joyeuse semaine ensanglantée, Jeff. Ouais, toi aussi. Puis, ben, on se revoit dans deux semaines. On prend un break la semaine prochaine. On se revoit dans deux semaines et on recommence le rythme régulier des épisodes. Puis, passez une belle semaine, vous autres aussi. Puis, ben, on va annoncer les gagnants de notre concours prochainement. Alors, surveillez ça. C'est juste débile. Puis, n'oubliez pas de garder ça le fun. Merci. Avant le columbarium, désormais, jamais plus, non, rien, ni vent, ni personne ne pourra m'empêcher de souffrir en paix, d'aller lécher les vitrines du columbarium. J'ai dégusté les glantines ornant le columbarium. Désormais, jamais plus, non, rien, ni vent, ni personne ne pourra m'empêcher de manger par la racine les glantines décorant le columbarium. C'est un endroit presque magique, ravive notre instinct tragique. Tout le monde est d'accord pour dire que la mort est chic au columbarium. J'ai assemblé toutes les planches placées au columbarium. Désormais, jamais plus, non, rien, ni vent, ni personne ne pourra m'empêcher de dormir en paix, de sommeiller dans la boîte du columbarium. J'ai exhibé mes péchés sur l'autel du columbarium. Désormais, jamais plus, non, rien, ni vent, ni personne ne pourra m'empêcher de croquer la pomme, d'aller pêcher sur l'autel du columbarium. C'est un endroit presque troublant, brillant d'or, de noir et d'argent. Tout le monde est d'accord pour dire qu'il est épatant. Tout le monde est passé pour passer, tout le monde a brûlé une parole, tout le monde a pleuré pour pleurer au columbarium, au columbarium, au columbarium.